écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. Bonjour Azigenchon. Bonjour. Comment vous allez? Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour les frères. Bonjour. Bien dormi. Que le Seigneur vous bénisse. Là, ta chaise n'est pas. C'est pas solide. Il faut doubler, non? Il faut doubler, sinon il va tomber là. Il est encore assis sur la même chaise qui était cassée là. Bonjour mon cher frère, ça va? C'est caché là. Alors tout le monde est déjà là, n'est-ce pas? On peut commencer rapidement parce qu'il veut vous garder pour longtemps aujourd'hui. Vous n'étiez pas fatigué hier, non? Que le Seigneur vous bénisse. Tout le monde est là. Si tout le monde est là, on commence rapidement. Si vous voulez enregistrer, vous qui êtes dehors, je crois que ce serait mieux de mettre. Vous enregistrez. Si vous enregistrez, mettez ici. Venez, venez. Mais apparemment, je vois des nouveaux visages. Il y a des gens qui viennent d'arriver. Oui. Eh bien, dans ce cas, ceux qui viennent d'arriver devaient être prioritairement à l'intérieur parce qu'il faut qu'ils posent des questions. D'accord? Ouais. C'est ça, non, frère? Ouais. Vous qui venez d'arriver, entrez. Entrez. Ouais. Ne soyez pas. Tous ceux qui viennent d'arriver, entrez. Vous êtes nos invités. Et ceux qui sont anciens, sortez. Parce que vous avez. C'est ça, non, frère? Oui, c'est ça. Vous avez assez mangé. Il faut que eux ils soient là. Oui, mais il est venu maintenant. Alors. Les anciens. Moi, je ne suis pas ancien. Je suis nouveau. Oui, mais quelqu'un peut s'asseoir sur ma place ici. Quelqu'un peut s'asseoir ici. Maintenant, vous pouvez déposer ton téléphone, ça enregistre. Tu peux déposer là pour que ça enregistre bien. S'il y a des gens dehors qui étaient pas là, ils entrent. Ils essayent. Bonjour. Bonjour. Mon bien-aimé. Ça va? Comment? Il est quelle heure? Il est 10h, minuit. Donc on commence, n'est-ce pas? Regardez celui-là. Donc je crois que les gens, comme il y a des personnes qui n'étaient pas là ces deux derniers jours, s'ils ont des questions à poser, posent rapidement. On commence. Et puis par la suite, on va entamer avec. Il faut que je vous donne le message pour lequel je suis là, d'accord? Amen. Je veux donner votre message. Amen. Et si le Seigneur permet, on va prier. Comme ça, s'il y a les démons qui nous dérangent ici, on les dégage. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Mm-hmm. Parce que l'une des choses terribles, l'une des choses que vous ne devez pas faire, c'est de ne pas accepter qu'un esprit habite en vous. Si un esprit habite en vous, vous ne pouvez pas communier avec le Seigneur de la bonne façon. Et par conséquent, s'il se trouve des esprits avec vous, nous allons les chasser au nom de Jésus. Amen. Comme ça, votre domaine spirituel sera clair maintenant à communier avec le Seigneur. Si le Seigneur permet donc. D'accord? Donc, après donc, je vais m'asseoir ici au couloir. Après qu'on ait fini, je vais m'asseoir au couloir et je vais vous accueillir un à un. D'accord? S'il y a des gens qui voudraient qu'on cause face à face par rapport à des sujets privés, je vais vous accueillir un à un jusqu'à la fin. D'accord? Ça dépend de vous. Si vous jugez qu'il n'y a rien à dire, on se salue seulement, on se sépare. Dès demain 8h, nous serons à l'aéroport pour rentrer sur Dakar et puis aller dans un autre endroit encore. Ok, donc je suis à votre service. Que Dieu vous bénisse. Amen. Inclinons nos têtes et prions. Tant de Père, nous sommes devant toi ce matin. Merci Père pour ce peuple des Ziguinchor. Merci pour cette grâce que tu nous as accordée encore cette journée. Merci Seigneur pour nos cœurs. Merci Père pour ceux qui sont venus au loin. Ils sont venus nombreux. Pour ceux qui sont dehors, ceux qui sont encore à la cuisine. Merci Père de gloire pour ces peuples qui sont venus nombreux pour t'écouter. Je prie au Dieu de gloire que tu combles les attentes des uns et des autres. Je prie que tu nous donnes ta parole et surtout que tu nous donnes de vivre ta parole telle que tu l'as donnée. Donne-nous, ô Dieu de gloire, de ne pas détourner de tes commandements, mais de marcher comme toi tu le veux et de diriger nos voies suivant le sentier que tu as tracé une fois pour toutes pour nous. Puisse ta parole, ô Dieu de gloire, demeurer en nous et sanctifier nos âmes. Donne-nous, ô Dieu de gloire, de marcher d'après elle, d'après tes instructions et de ne pas aller ni à gauche ni à droite. Je recommande ces pensées entre tes mains. Je recommande nos cœurs entre tes mains, nos vies entre tes mains. Tu connais les besoins des uns et des autres. Je prie que tu les combles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous recommandons cette journée entre tes mains et nous prions, Père, que toi-même tu te glorifies par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis à votre service, donc des questions. Vous qui venez d'arriver, si vous avez des questions posées, sentez-vous libre de poser toutes les questions. Toutes les questions. Bien évidemment, pas seulement ceux qui sont venus d'arriver. Oui, mon cher. Moi, ma question, c'est sur les fêtes donc, qui se font, soi-disant des fêtes chrétiennes. Oui. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont confus par rapport à ça. Par exemple, la fête de Noël et la fête aussi de Pâques qui est fêtée. Oui. Il y a aussi le calendrier, c'est-à-dire le jour du Seigneur, dimanche. Oui. Et qu'est-ce que vous en dites de toutes ces choses-là? Bon, commençons par le plus récent. Ouvrez Apocalypse chapitre 1. Comme vous allez noter Apocalypse chapitre 1, Sophonie chapitre 1. Vous notez Sophonie chapitre 1, ainsi que Amos. Apocalypse chapitre 1. Ça, je vais commencer par le jour du Seigneur. Oui, voilà le frère Benoît qui vient d'arriver avec son vélo. Il a la sueur partout. Heureusement qu'on n'avait pas bien commencé. Vous y êtes? Donc, Apocalypse, c'est le dernier livre. Donc, nous allons commencer par la dernière question, d'accord? Avant de rentrer. Maintenant, si vous êtes ici, vous êtes catholique. Ça risque de vous choquer, mais c'est quand même la vérité. D'accord? Et pendant qu'on y est, si vous êtes ici, vous n'êtes pas baptisé, on ne vous a pas plongé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, il va falloir que vous vous fassiez baptiser. Sinon, vous ne suivez pas les Écritures. On doit vous plonger au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas deux façons. Donc, si vous êtes là, vous êtes catholique, cessez de catholicité. Il faut qu'on vous plonge au nom de Jésus-Christ, conformément aux Saintes Écritures. Si ce n'est pas ça, vous n'êtes pas en train de suivre le Seigneur Jésus. C'est-à-dire que vous suivez une religion. Maintenant, dans Apocalypse chapitre 1, la Bible déclare, qu'est-ce qu'on nous dit à partir du verset 1, mon cher? À partir du verset 1, oui. Révélation de Jésus-Christ oui. que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Oui. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, oui. lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Oui. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, oui. et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône. Écoutez maintenant ce que Jean va dire. Allons-y. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, stop. Votre frère. Écoutez maintenant ce qu'il va dire. Après avoir présenté le Seigneur Jésus-Christ, présenté le but du livre, il parle maintenant de lui. Nous voulons répondre à la dernière question. Il a posé trois questions. par rapport aux fêtes chrétiennes. Il a parlé des fêtes de Noël, des fêtes de Pâques, et puis il a parlé du jour du Seigneur. Mm-hmm. C'est par le jour du Seigneur que nous commençons maintenant. Ouais. Allons-y. Moi, Jean, c'est au verset 10. Moi, Jean. C'est au verset 10. 9. Oui, allons-y. Moi, Jean, votre frère, oui. Et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, oui. Et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, oui. À cause de la parole de Dieu, oui. Et du témoignage de Jésus. Oui. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Souligné au jour du Seigneur. Maintenant, on va lire dans la version Semeur. Mm-hmm. Allons-y. Lis le verset 9. Vous avez lu dans d'autres versions. Nous allons lire ce que la version Semeur le dit. Allons-y. Verset 9 et 8. Verset 9 et 10. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelé Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Au jour du Seigneur. Quelqu'un a d'autres versions ici? Vous avez autre version en dehors de ces deux-là? C'est lui second partout. Vous avez quelle version là? C'est la même chose. Voilà. Vous avez David Martin ici hier. Osterval. Je peux l'amener. Ici, c'est pas loin, n'est-ce pas? C'est pas loin. Alors, dans d'autres traductions, dont vous allez voir, on va écrire le jour du Seigneur. D'autres vont encore dire au jour dominical. Dominical, d'où vient dimanche. D'accord? Et ne sais pas ce que la version Osterval dira. Mais maintenant, ici, on dit, Jean dit qu'il fut saisi en esprit et il a été transporté en esprit au jour du Seigneur. D'autres versions disent, le jour du Seigneur, qu'il a été amené le jour du Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit, verset? C'est la version Osterval, n'est-ce pas? Ouais. C'est la version 9. Oui. Il dit, je fus ravi en esprit le jour du Seigneur. Vous avez vu le problème, n'est-ce pas? Vous avez vu? Il y a un problème là maintenant. Ici, il y a un problème. De l'autre côté, on dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Donc, vous voyez que si vous commencez à lire la Bible, vous ne faites pas attention, vous risquerez d'avaler des choses qui ne sont pas vraies. Mm-hmm. Maintenant, d'après ce qu'on vient de lire dans la version Osterval, c'est l'événement qui s'est passé le jour du Seigneur. Mm-hmm. Vous voyez? Parce qu'il dit qu'il a été enlevé en esprit le jour du Seigneur. Ça désigne, ici, l'emphase est mise sur le jour pendant lequel il a été enlevé. Donc c'est le jour qui est mis en exergue. Mm-hmm. Mais lorsque vous lisez de l'autre côté, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Ici, l'emphase n'est pas mise sur le jour, mm-hmm. mais sur l'événement pendant les périodes. Mm-hmm. Vous voyez les différences, n'est-ce pas? Mm-hmm. Maintenant, ceux-ci vont dire le jour du Seigneur. Et puis on va poser la question que c'était un jour dominical. Ça veut dire que d'après Osterval et les autres versions qui traduisent comme ça, ça veut dire que Jean a eu la vision le dimanche. Mm-hmm. Et par conséquent, on pense donc que le jour du Seigneur, c'est dimanche. Mm-hmm. Maintenant, vous allez dans les Saintes Écritures, sans exception. Mm-hmm. Tous les passages qui parlent du jour du Seigneur parlent du jour du Seigneur comme étant le jour du jugement. Ouais. Donc le jour du Seigneur n'est pas un jour hebdomadaire pendant les donc lundi, mardi, c'est pas cela. Mm-hmm. Le jour du Seigneur désigne la période où Dieu manifeste son courroux pour le jugement de tout ce qui est écrit, d'après les sanctions sur la terre. Et donc maintenant, dans ce sens-là, on comprend pourquoi les autres versions sont traduites par au jour du Seigneur. Parce que les événements que Jean va voir dans l'Apocalypse ne se déroulent pas en un seul jour. C'est durant 2 années qu'il va avoir toutes ces visions-là. Donc les visions que vous voyez écrites dans l'Apocalypse, chapitre 1 jusqu'au chapitre 22, ça ne s'est pas passé un seul jour le dimanche. Ça s'est passé pendant 2 jours que les visions lui sont données. Donc et les événements qu'il voit, donc, c'est le jour du Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, dans votre Bible, donc, le jour du Seigneur représente la période où Dieu manifeste son courroux pour rendre à chacun selon son œuvre, si vous le voulez. Où Dieu entre en contestation avec les créatures. Ou mieux, il fait exercer ses jugements et ses vengeances. C'est ça le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur n'est désigné le dimanche, ni le samedi, ni un autre jour sur la terre. Par conséquent, quand les gens veulent esquiver, ils disent non, non, non, pour moi, tous les jours, c'est le jour du Seigneur. Vous ne pouvez pas désigner un jour le jour du Seigneur, parce que le Seigneur a désigné son jour comme un jour qui est mauvais. Vous y êtes? Ouais. Ouvrons le livre du prophète Joël. C'est plein. Si vous lisez les prophètes seulement, c'est plein partout. Prophète Joël. Donc, je veux qu'on brosse rapidement. Là, on continue. S'il y a d'autres questions, on continue. Le jour du Seigneur. Et ces jours-ci, écoutez encore, pendant que vous allez chercher votre Joël, c'est aussi lié, je vous l'ai dit, les événements tels que conçus aujourd'hui par les théologiens, ou mieux encore par la religion, c'est aussi lié à ce que vous appelez le sabbat. Là, vous allez voir, les catholiques observent le Seigneur parce qu'ils disent que c'est le jour du Seigneur, c'est le jour où Jésus est ressuscité. Or, la Bible n'enseigne pas que Jésus est ressuscité dimanche. Vous voyez cela? On a tellement de problèmes. Lorsque le, vos pasteurs, comment ça s'appelle, les prêtres prennent l'hostie le jour-là, il dit en ce jour. C'est quand même curieux. Il dit en ce jour, qui est le jour du Seigneur, le premier jour de la semaine. C'est le jour du repos. Ils appellent, non seulement ils appellent le jour du repos le premier jour de la semaine. Ce qui est faux d'après la Bible. Parce que le premier jour de la semaine, c'est effectivement dimanche. Si le premier jour de la semaine c'est dimanche, le septième c'est samedi. Et c'est le septième qui avait été désigné dans l'Ancien Testament comme étant le jour du repos. Donc le jour du repos ne peut pas être dimanche. C'est samedi plutôt. L'autre paire de manches maintenant, ce sera de faire comprendre à, aux Adventistes du septième jour qu'aucun jour n'est prescrit aux chrétiens pour pouvoir observer. Aucun. Parce que Dieu est esprit, il faut qu'on l'adore en esprit. Et quand on adore en esprit, on n'est pas limité par un jour, ni par le temps, ni par le lieu. C'est pas ce que vous comprenez, frère. Donc, de l'autre côté, on va toucher le jour du Seigneur. De l'autre côté aussi, on va toucher aussi le sabbat avec les chrétiens. Parce que d'autres chrétiens disent maintenant que c'est le sabbat, c'est samedi. Ils disent que les catholiques ont perverti le jour-là à dimanche. Et par conséquent, si vous dormez, ils disent, hein, ce sont les gens qui le disent comme ça. Si vous prenez les Adventistes du septième jour particulièrement, ils vont dire et démontrer ce pleuf à l'appui en disant que dimanche, en anglais, c'est Sunday. Le jour du soleil. C'est pour ça que l'église catholique, si vous adorez le dimanche, vous adorez le dieu soleil. Mais ce qu'ils utilisent, ils oublient aussi que samedi, c'est Saturne. Donc c'est aussi le jour du Saturne. Vous voyez, donc si vous fuyez dimanche, vous tombez samedi. Vous êtes encore dans le Saturne. Vous allez à Monday, c'est le jour de la lune. Donc tous les jours là, mercredi, miércoles, ça vient pour Mercure. Vendredi, c'est Vénus. Vous allez faire donc comment? Il n'y a pas de jour qui est pour Jésus. C'est pour ça que le chrétien est au-dessus de tout cela. Vous comprenez? Donc ça veut dire que ni les catholiques n'ont raison, ni les adventistes chrétiens n'ont raison. Parce que le chrétien vit la vie de l'esprit. L'esprit n'a pas d'observance de période ni de temps. Vous suivez mes frères? Alors dans Joël chapitre 1, lisons à partir du verset 1. À partir du verset 1. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillards, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Oui. Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants. Allons-y rapidement au verset 15. Verset 15. Oui. Ah, quel jour, car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Vous entendez comment on l'a introduit, n'est-ce pas? Le jour de l'Éternel est proche. Donc, oui, effectivement, ça ne peut pas être un jour comme dimanche, ni comme lundi. Le prophète en train d'annoncer que le jour de l'Éternel est proche. Chapitre 2 maintenant. Chapitre 2, verset 1. Il dit, sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte. Oui. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Vous voyez que c'est un jour, le jour de l'Éternel représente un événement qui va se dérouler. Ce n'est pas un jour en tant que lundi jusqu'à dimanche. D'accord? Maintenant, allons-y. Ça, c'est le chapitre 2 de Joël, n'est-ce pas? Lisons les versets 28, 29, 30 et 31. Verset 28, 29, 30 et 31. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vous connaissez bien ces passages, pas vrai? Vos fils et vos filles prophétiseront. Oui. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Oui. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Oui. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Oui. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, oui. Du sang, du feu et des colonnes de fumée. Oui. Le soleil se changera en ténèbres, oui. Et la lune en sang. Oui. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, vous entendez ça? Ce jour grand et terrible. Vous avez vu ça? Donc, voici les événements qui sont censés se dérouler avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Il faut d'abord que les fils et les filles reçoivent le baptême du Saint-Esprit pour pouvoir parler au nom du Seigneur Jésus. En ce jour-là, le verset 31 indique, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Vous voyez que l'apôtre Pierre a réitéré ce même passage-là dans deux, quoi? Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 14, d'accord? Donc maintenant, avec ce que nous venons de lire là, nous comprenons effectivement que le jour de l'Éternel n'est pas un jour fixé. Mais c'est un événement qui est calendrier dans une période bien déterminée dans le plan du Seigneur. Et donc, il dit ici que avant l'arrivée de ce jour-là, voici ce qui va arriver. L'esprit va verser sur la chair, les fils et les filles vont prophétiser, la lune va se changer en sang, ainsi de suite. Pas vrai? Le soleil va s'obscurcir avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Et la Bible déclare dans le livre de Sophonie que vous pensez que le jour de l'Éternel, que malheur à celui qui désire voir le jour de l'Éternel. Parce que c'est un jour de grandes ténèbres, un jour d'angoisse, de pleurs, un jour de supplication et d'amers cris. Ça veut dire que le jour de l'Éternel, j'espère que c'est bien compris, non? Le jour de l'Éternel, ce n'est pas lundi, ni mardi, ni mercredi. Donc, si quelqu'un dit que non, pour moi, tout le jour, c'est le jour de l'Éternel. Dieu ne frappe pas chaque jour, pas vrai? Souvenez-vous, c'est différent. Le jour de l'Éternel dont parle la Bible sont différents. Ce jour-là est différent de ce que nous pensons par jour de l'Éternel. Alors, les chrétiens n'ont pas de jour pour adorer. Le chrétien n'est pas conditionné par un jour d'adoration. C'est compris avec le jour de l'Éternel, n'est-ce pas, frère? Voilà. On passe maintenant à la fête de Noël et par conséquent à la Pâque. La fête de Noël, oui? Vous avez touché le sabbat? Il a fini avec le sabbat depuis. Sophonie, Sophonie chapitre 1. Il a parlé du sabbat, non? Il dit le sabbat avait été donné aux juifs. Et l'une des choses sur le sabbat, c'est que les gens pensent que le sabbat, ça veut dire que c'est seulement samedi. Il y en a plusieurs styles de sabbat dans les Saintes Écritures. Vous savez ça? Il y en a plusieurs styles de sabbat. Donc le sabbat ne consiste pas seulement en samedi, je ne fais rien de mon travail, que non. Lorsque vous ne faites rien ce jour-là, il dit d'après la loi, il y a des événements, des choses culturelles, des cultes dont il faut faire. Maintenant, je ne sais pas dans quel quartier vous trouvez. Vous trouvez ici, c'est à Kenya. Comment? L'India. Peut-être vous quittez ici à l'India pour aller quoi, en bordure de là où il y a la plage là. Ça fait combien de kilomètres? À peu près 5 kilomètres. Supposons que quelqu'un qui décide que son assemblée, le 7e jour, se trouve là-bas. Donc, dès qu'il fait 7 kilomètres pour aller au culte le jour du sabbat, il vient de pécher d'après le sabbat. Parce que le sabbat, il y a 1 kilomètre maximum, 1 kilomètre 100 mètres, c'est le maximum à parcourir le jour du sabbat. Ça se passe que si vous débordez des 0,5 mètres, vous venez de pécher. Vous voyez cela? Il y a des règles le jour du sabbat. Le jour du sabbat, il faut par exemple qu'il y ait des pains de propositions sur la table. Et il faut que pour qu'il y ait pas de proposition, il faut qu'il y ait des chandeliers qui soient allumés au jour du sabbat. Les chrétiens ne sont pas assujettis par ces cultes donnés sous l'ancienne alliance. C'est pas ce que vous comprenez. Alors, le Christ Jésus est venu donc pour nous donner le sabbat. D'accord? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du sabbat. Je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le sabbat donc symbolise l'entrée en matière de la vie de Dieu dans le croyant, afin que le croyant ne se tourne plus tout autour de la vanité. Parce que tout ce que nous faisons sur la terre, tout ce que vos efforts que vous faites, c'est vanité. Et donc Dieu avait promis qu'il va faire que l'homme se repose de ses œuvres. C'est-à-dire que la souffrance de la vanité va s'arrêter. Et par conséquent, Dieu nous a introduit dans son repos. Ce repos-là vient donc, c'est le symbole donc, du baptême du Saint-Esprit. Vous voyez cela? Donc, si on ne sait pas comment Dieu peut nous faire quitter d'un lieu pour le spirituel, on ne fait que revenir en arrière. Alors maintenant, ça veut dire concrètement ceci. Personne sur la terre, à l'instant où nous parlons, ne peut observer le sabbat comme la Bible le dit. C'est si clair que possible. Vous voyez quelqu'un qui prêche qu'il faut observer le sabbat, il va concorder des versets bibliques avec ses pensées. Parce que le jour du sabbat, par exemple, on ne doit pas allumer la lumière. Vous savez ça? Le jour du sabbat, vous n'allez pas allumer le feu. C'est ce qui est écrit. Ça veut dire que votre nourriture doit se gâter, vous laissez gâter. Le jour du sabbat, si la poule sort de la maison, le chien le poursuivre, vous ne pouvez pas arrêter ça. Le jour du sabbat, vous ne pouvez pas porter la cruche sur votre tête pour aller puiser de l'eau. Ouais, là on en est, frère. Et ça, oui. Je voulais poser une question. Oui. Voilà, c'est par rapport à la loi. Oui. À la loi. Oui. Parce que quand nous disons les écritures, on remarque qu'il y a deux sortes de lois. Oui. Non, il n'y a pas seulement deux sortes, il y a au moins sept. Oui. Mm-hmm. La loi que Dieu lui-même avait inscrite sur les tables. Oui. Sur les deux tables. Oui. Qui était rentré dans les 10 commandements. Oui, l'âge oui. d'alliance. Oui. Et l'autre loi oui. que Moïse avait écrite. Oui. Voilà. Et on a vu que la loi que Moïse avait écrite n'était pas dans l'âge d'alliance. Oui. Mais la loi que Dieu avait écrite était dans l'âge d'alliance. Dans l'alliance, oui. Voilà. Donc, et nous voyons que l'autre loi que Moïse avait écrite, c'était l'ombre de Christ. Tandis que l'autre, c'était Dieu lui-même qui l'avait écrit. Mais ça symbolise quoi? Est-ce que ça suppose que... attends doucement d'abord. Tu as dit qu'il y a deux styles de loi. C'est ouais. ce qui a été mis dans l'ancienne alliance, de quoi dans la lâche. Celle-là, c'est les deux tables sur lesquelles le doigt de Dieu avait écrit les commandements. Les 10 paroles, dit la Bible. Ça a été mis dans l'alliance avec la verge d'Aaron et un peu de manne. Et l'autre que Moïse avait écrit dans les rouleaux, ça n'est pas entré dans l'alliance. Tu as dit, ce que Moïse a écrit, c'était l'ombre de Christ. Ce qui est dans la table, c'est quoi? Ce qui était dans la table de l'alliance, là, c'était quoi? C'était une sorte de loi morale. C'est pas la loi morale, c'est plutôt Christ lui-même là-bas. C'est Christ habitant dans la chair. C'est la prophétie même de Christ venait dans la chair. Hein, mon frère? Comment ça? Mais la parole s'est fait chair, non? C'est aussi, l'âge de l'alliance symbolise quoi? La présence de Dieu. Donc Dieu lui-même, la parole viendrait avec ça, toute sa présence. D'accord? Maintenant, les cultes d'à côté, là, c'est pour symboliser ce qu'il est censé faire quand il va venir dans la chair. Maintenant, qu'est-ce que tu voulais aller par dire? Voici là où le frère vient nous amener. Il veut dire là, en réalité, que ce que Dieu lui-même a dit, parce que le quatrième commandement, c'est dans cette lâche-là, est écrit du doigt de Dieu et sur le sabbat. N'est-ce pas, frère? Continue comme ça, allons-y. Voilà, maintenant, on voit que, on observe presque tous les commandements, les 10 commandements. Oui. On les observe, mais pour le sabbat, il y a des. Il y a. Comment tu fais la main comme ça? Parle. Il y a certains. On observe le sabbat, oui ou non? On observe. Ah, donc tu veux nous dire que sur les 10 paroles, on observe 9, mais le sabbat là, on n'observe pas. Oui. Pour dire en réalité, comme Dieu a écrit, ça ne peut pas changer, c'est ça, n'est-ce pas? Oui. Ok, bah, toi tu veux observer? Non, non. Ah, donc tu veux désobéir? Non, je voulais avoir un éclaircissement. Bon, je pose la question. Si je montre maintenant qu'on observe le sabbat, tu vas observer? Si je suis convaincu. Après 7 ans, chaque fois, tu sais que tu es censé aller chez les Juifs au Jérusalem pour pouvoir faire la libération du sabbat. Tu sais ça, non? Non. Tu ne savais pas? Non. Donc, dans le livre des Actes Apôtres, chapitre 1, la Bible déclare qu'il y avait les Juifs qui étaient venus là-bas pour la 50e, pour la Pentecôte. Mmh. Donc après, ça veut dire que c'est 49 sabbats, le 50e, vous voyez, c'est célébré là-bas. Mmh. Donc chaque fois, tu dois aller à Jérusalem. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a plusieurs styles de sabbats. Lequel tu dis qu'on doit observer? Ou même tu penses qu'on doit observer? Tout. Tout, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu dois aller. Si on prend ce sabbat là, parce que si tu commences pour les samedis, après 49 sabbats, tu dois rentrer, tu vas aller chez les Juifs. D'accord? Quand tu pars chez les Juifs, tu pars au temple. D'accord? Tu donnes ton offrande au sacrificateur. Il y a le temple à Jérusalem. Il y a le temple. Maintenant, alors on parle. Il y a le temple à Jérusalem. Il y a les sacrificateurs. Il y a les Lévites. Donc même si tu faisais l'effort, tu voyageais, tu allais là-bas, la seule chose que tu peux faire, c'est aller au temple musulman qui est là-bas. Les musulmans vont te prendre ça, ils vont te chasser, pas vrai? Donc tu vois, mon frère. Oui, mais maintenant, que représentent les deux tables? Non, je t'ai déjà dit ce que ça représente. La question, il fallait comprendre donc, c'est à quoi le sabbat est énoncé. Pourquoi Dieu l'a fait cesser et comment ça va revenir sur la surface. D'accord? C'est là maintenant la chose. Il faut donc comprendre ce que Dieu dit pour Israël. Ce qu'il dit aux païens et ce qu'il va faire avec Israël au millénium. D'accord? Parce que quand le temple sera bâti à Jérusalem, la loi sera encore réinstaurée. D'accord, mon cher frère? Alors maintenant, je pose la question. Jésus Christ, notre Seigneur, est le modèle exemplaire de l'obéissance. Pas vrai? Oui. A-t-il observé le sabbat? Non. Donc, c'est un garçon désobéissant. Non. Dis à haute voix, Jésus est désobéissant? Non. Il a observé le sabbat? Non. Il a désobéi? Non. Il a fait quoi donc? Il était le maître du sabbat. Ça, c'est clair. Mais il a obéi ou il n'a pas obéi? Il a peur de blasphémer contre Jésus. Jésus, notre Seigneur, a deux accusations principales des Juifs pour lesquels on voulait le tuer. Un, il n'observe point le sabbat. Oui ou non? Oui. Donc Jésus, sur cette base-là, n'observait pas le sabbat. Pas vrai? Si. Deuxième chose, c'est qu'il se faisait lui-même Dieu. Voilà les deux principales accusations qu'on lui a accordées. Mais je pose la question, est-ce que Jésus observe le sabbat? Tu dis non. Il n'observe pas le sabbat. Oui. Il n'observe pas le sabbat. Il n'observe pas. Oui, par conséquent, il était désobéissant. Parce que la Bible déclare que tu dois te reposer de tes œuvres le septième jour. Il attendait seulement les jours du sabbat pour pouvoir guérir. Pas vrai? Son œuvre, c'est qu'il est censé faire l'œuvre de son Père. Et le jour de l'œuvre de son Père, il devait s'arrêter. Parce que la loi de Dieu dit que tu dois t'arrêter. Qu'est-ce que tu en dis donc? Jésus n'observait pas le sabbat, non? Non. Bon, ça dit qu'on peut l'imiter, pas vrai? Alors maintenant, comprends donc que. Quand Christ est venu, le sabbat n'est pas un jour. Le sabbat, c'est une dimension dans laquelle Christ amène les gens. Le repos. Pour que tu cesses de compter sur toi, sur tes efforts. Le sabbat, donc, c'est le symbole donc, du baptême du Saint-Esprit. Venez à moi. Préparez Hébreux chapitre 4 rapidement. Maintenant, pourquoi il disait que priez que le jour de l'enlèvement ne vous trouve un jour de sabbat? Voilà, on va lire ça maintenant. C'est dans le livre de Matthieu chapitre 24. Ouvrez Hébreux chapitre 4. Regardez dans Hébreux, dans Matthieu chapitre 11, il dit: venez à moi, vous tous qui êtes quoi? Fatigués et chargés. Fatigués par nos façons de faire ici, nos œuvres et toutes ces choses qui nous bloquent. Il dit: et je vous donnerai le repos. Donc Jésus, notre Seigneur, est celui qui accorde le repos. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Et le prophète dit que je leur ai dit que voici le lieu du repos. Entrez-y. Et ils n'ont pas entré. Donc, maintenant tu dis, regardez bien la façon que le frère pose la question. Il dit, et maintenant, pourquoi il est dit que ceux qui vont fuir le jour de l'enlèvement, qu'on prie que le jour de l'enlèvement ne vienne pas le jour du sabbat. Or, on ne parle pas de l'enlèvement là-bas. Dans Matthieu 24, il ne s'agit pas de l'enlèvement. D'accord, ça c'est un. Des deux, ça n'a rien à voir avec les chrétiens, il s'agit des juifs. D'accord, mon cher frère? Tout à l'heure dans Matthieu 24, on va rencontrer cela. Il dit, priez que votre fuite ne soit pas un jour de sabbat, car la détresse sera alors grande, telle qu'il n'y en a pour jamais eu et qu'il n'y en aura jamais. D'accord? Parce qu'en réalité, voilà comment ça se passe. Si tu connais l'histoire biblique, Jérusalem, Dieu avait dit que le jour du sabbat, qu'on n'entre pas dans les portes de Jérusalem avec des marchandises et autres, on n'en sort pas. Jérusalem était bâti comme une cité. On bâtissait les cités avec des barrières tout autour de Jérusalem. Et il y avait des portes principales dans lesquelles on faisait entrer et faisait sortir les marchandises. Les gens quittaient les tirs, les sidons pour venir faire les ventes, le commerce. D'accord? Et donc, le jour du sabbat, qui est samedi, Dieu dit à Israël qu'il doit fermer les portes. Parce qu'on fait que les commerçants peuvent venir rester dehors. Ils restent dehors le jour du sabbat. Parce que quand le sabbat passe, ils peuvent, on ouvre maintenant la porte pour qu'ils puissent entrer. Maintenant, le problème, c'est le Seigneur Jésus-Christ parle de ceci parce que lorsque le jour du sabbat est, on ferme la porte, les armées peuvent vous encercler et soit y mettre du feu ou bien vous soumettre à la domination. Vous comprenez cela? Parce que personne ne peut pas sortir. Personne ne peut sortir parce que les portes sont fermées. Et donc Jésus dit, priez que votre fuite ne soit pas le jour du sabbat. Parce que si c'est le jour du sabbat, les portes seront fermées. On va vous détruire. Il dit ni en hiver. Parce que si c'est en hiver, vous sortez, vous serez dans le froid va vous toucher. Toi, tu as l'hiver ici. Vous avez vu comment là, il fait chaud ici. Donc, qui est l'hiver là-bas, qui n'est pas l'hiver là-bas, ça ne fait rien ici chez toi, ici, pas vrai? Parce qu'eux, ils ont l'hiver là-bas. En hiver, si quelqu'un sort en fuyant parce qu'il y a des problèmes, c'est le froid qui va le toucher dehors. Pas vrai, mon cher? C'est ça dont Jésus a parlé, ça ne te concerne pas. D'accord? Et quand il a dit que celui qui sera en Judée, il y a Judée ici à Ziguinchor. Hein, mon frère? Non. Hébreux chapitre 4, à partir du verset 1. Hébreux 4, à partir du verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Oui. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Donc, vous voyez, on a parlé aux chrétiens ici en disant qu'ils craignent tandis que. Bon, c'est l'épître aux Hébreux. Mm. Ils craignent donc tandis que la promesse d'entrer dans le repos. Mm. Le repos subsiste encore. Mm. Allons-y, frère. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. À eux. Eux aussi se désignent ceux de l'ancienne alliance. Mm-hmm. Continuons. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Oui. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Mm. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Stop. Vous avez vu ça? Pour nous qui avons cru. Donc si quelqu'un veut observer le sabbat, il est sous la loi. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. C'est impossible parce que le repos n'est pas un jour. C'était, quand vous lisez dans Hébreux chapitre 10, verset 1, que l'ancienne alliance qui possède de l'ombre à venir et non l'exact représentant de la chose. Donc quand tu vois n'importe quoi dans l'ancienne alliance, il y a sa représentation. D'accord? Ok, mais la représentation de la sabbat, c'est quoi? Il dit quand nous croyons maintenant, nous entrons dans le repos. D'accord? Continuons, mon frère, c'est pas fini. Car c'est là lui, ça, oui? Ouais. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Maintenant, pour être clair, l'apôtre Paul met ici clairement pour montrer qu'il entre parle de sabbat. Parce que repos en hébreu, c'est shabbat. Mm-hmm. D'accord, quand on parle de repos, ça veut dire shabbat. Mm-hmm. Continuons. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Oui. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour. Oui. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Donc nous croyons, vous voyez clairement qu'il n'en est pas de ce septième jour dont on parle, n'est-ce pas? Allons-y. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Oui. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, oui. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Donc, vous voyez effectivement, d'après ce que l'apôtre André dit ici, les gens qui observaient le sabbat physique ne sont pas entrés dans le repos que Dieu leur a donné. Vous voyez cela? Il dit qu'il parle encore, il fixe encore de nouveau, quoi? Le nouveau, le jour du repos, en disant longtemps. Après, il va dire, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit à David, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, c'est l'endurcissement qui peut faire que quelqu'un n'entre pas dans le sabbat. Autrement dit, le chrétien est le premier qui observe le sabbat parce qu'il y est entré. Si vous croyez en Christ, Jésus a dit, c'est ce que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du sabbat. Donc le sabbat, c'est donne. Par conséquent, le sabbat, c'est la vie éternelle. Amen. Vous voyez cela maintenant, n'est-ce pas? Comment on peut faire autrement? Finissons là, frère. Car si Josué leur eût donné le repos, oui. Il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Vous avez ça? Donc une fois de plus, on a des problèmes avec la compréhension du jour selon le Saint-Esprit ici. Si Jésus leur eût donné le repos, donc, finalement ils sont entrés à Canaan. Vous voyez cela? Si, ce qui a fait entrer le peuple juif au Canaan, c'est Josué qui leur a fait entrer. Maintenant, qu'elle les a fait entrer, la Bible déclare qu'en réalité, ils ne sont pas entrés dans le repos parce que le repos n'était pas physique. Parce que si Josué leur eut donné le repos, Dieu ne parlerait plus d'un autre repos. Autrement, les amis, ce sont des symboles pour signifier quelque chose que Dieu désignait. D'accord? Continue, frère. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Tu as entendu ça? Oui. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a donc, c'est la conclusion, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a le sabbat, il y a, frère. Ça n'a pas été annulé, ça a été accompli. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Nous qui croyons, nous entrons dans ce repos. Nous qui croyons, nous entrons dans ce repos. C'est pas ce qui est écrit. Finissons maintenant. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siens. Vous avez vu ça? Donc maintenant, si tu entres dans le repos de Dieu, tu t'es reposé de tes œuvres. Si tu essaies de te reposer de tes œuvres, tu n'entres pas dans le repos de Dieu. Vous allez choisir maintenant. Soit vous vous dites que ça m'aide, je ne travaille rien, mais vous laissez le repos de Dieu tranquille. D'accord? Alors, soit tu entres dans le repos de Dieu, automatiquement tu es reposé de tes œuvres. D'accord? Il y a, si vous voulez cela, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a un repos de sabbat. Mais ça ne consiste pas en l'observance des ordonnances telles que prescrites dans la loi. Ça consiste maintenant à glorifier donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. C'est la vie de l'esprit. C'est compris maintenant avec le sabbat? Oui. On peut avancer maintenant. Maintenant, c'est bon aussi avec le sabbat, n'est-ce pas? Oui. Donc, si vous dites, si quelqu'un vous voit encore, il dit que non, il faut qu'on observe le sabbat. Dieu lui dit ceci. 49e sabbat, il part à Jérusalem. Il voit les souverains sacrificateurs. Il donne les gerbes. On agite à gauche et à droite. Et puis, il amène cette Bible là-bas. Parce que ce sont les règles du sabbat. D'accord, mon frère? Et en plus de cela, en cette année de relâche, si quelqu'un lui doit de l'argent, il relâche. Si quelqu'un était serviteur dans la maison, tu la laisses libre. Si quelqu'un te devait de l'argent, en cette année-là, tu ne réclames rien. C'est les règles du sabbat. D'accord? Voilà. Et en cette année également, là, si à la terre, vous cultivez la terre, comme vous avez le maïs ici avec les arachides. En cette année-là, vous ne touchez pas la terre. Il faut que la terre se repose aussi de ses sabbats. Vous savez ça, n'est-ce pas? Donc, ne partez pas au champ, vous ne prenez pas un seul grain d'arachide. Vous laissez ça là-bas pour les pauvres, que les gens puissent faire cultiver. J'imagine que vous entendez ça la prochaine fois, vous n'allez plus jamais aller faire le sabbat. Maintenant, le cas de Noël, c'est un cas aussi simple. L'autre là, on peut balayer forcément du revers de la main. Notez Luc chapitre 2. Luc le chapitre 2. Vous êtes dans Luc chapitre 2. Voilà maintenant. Pour ce qui est de la naissance de Jésus. Ou mieux encore, laissons la naissance de Jésus tranquille. Pour ce qui est de la fête de Noël, un bon sens dans les Écritures, en lisant l'encyclopédie américaine ou bien l'encyclopédie catholique concernant Noël, vous lisez dans la rubrique, si vous ouvrez l'encyclopédie catholique, vous lisez dans la rubrique Noël, les catholiques eux-mêmes disent que Noël était une fête avant-chrétienne, pré-chrétienne, qui était fêtée en Égypte. Ça veut dire que 3000 ans avant que Jésus ne vienne sur la terre, on fêtait la fête des Saturnales. Vous voyez cela? Ça veut dire que ça s'est fêté déjà. Maintenant, la transmutation avec l'Église catholique qui est venue, je crois qu'hier nous avons parlé de que Constantin a fait en mélangeant ses cultes là-bas. Constantin, les dieux qu'il servait, le dieu soleil, c'est pour ça que vous voyez tous les images, les icônes à l'Église catholique ont toujours ces trucs ronds là au-dessus de la tête. Et ils servent le soleil. Pendant qu'ils servent le soleil pour présider au jour, l'islam sert la lune pour présider à la nuit. C'est les deux grands luminaires, d'accord? Les deux grandes perversités de la terre. Maintenant, le 25 décembre a été récupéré pour signifier la naissance de Christ parce que la Bible appelle Jésus le soleil de justice. Or, il servait le Dieu soleil. Ça n'a pas été difficile pour eux de coller les images. Si quelqu'un donc célèbre, il a de célébrer non pas Jésus-Christ de Nazareth, mais le Dieu soleil, le Dieu Apollon. Donc, quand tu dis à quelqu'un qui est joyeux, tu dis que joyeuse fête de Dieu soleil. Si tu dis qu'il faut qu'il porte mon habit le jour de Noël, tu portes la habit en l'honneur du Dieu soleil. Pointe quelqu'un. Dis cesse d'être païen. Arrête les fêtes païennes. Voilà. Il y a des choses qui m'étonnent. Franchement, il y a des choses qui m'étonnent. Quand je me mets à genoux, je lis les Écritures. Ça m'étonne. C'est pas l'Écriture qui m'étonne, c'est le comportement des gens vis-à-vis de l'Écriture. Jésus est sur la terre, il naît. Il a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Lui-même ne célèbre pas son anniversaire. Il quitte la scène. Ses apôtres ne célèbrent pas son anniversaire. C'est confiné là. Nulle trace. Et puis, trois siècles après, donc plus de 300 ans, quelqu'un vient dire qu'on va fêter l'anniversaire de Jésus. Et en fait, et tout le monde entier accepte. C'est même Jésus-là qui prêche, repentez-vous, et le monde le rejette. Il dit, il est né le petit enfant. Bon, il est né pour faire quoi? Pour sauver les gens des péchés, non? Le même jour-là de sa naissance, prêche que Jésus est mort pour toi pour le péché. On ne va pas te chasser. Donc les gens qui chassent, qui ne veulent pas de Jésus, veulent quand même sa fête. Ce n'est pas un paradoxe. Et ce jour-là, c'est tout sauf sa fête à lui, même si c'était sa fête. Pas vrai? Parce que le lendemain du jour-là, imaginez un style de fête que sur toute la terre, même en Chine qui servent le dragon, même en pays musulman, on respecte cette fête-là. Vous devez vous poser la question si c'est vraiment Jésus dont la Bible parle qu'il n'est pas de ce monde-ci. Ce royaume n'est pas de ce monde-ci. Vous devez vous poser des questions. Alors mon étonnement vient du fait que quand je me prosterne, je vois que l'écriture est donnée. Il n'y a pas une seule trace de ces choses et les gens font sans se poser des questions. Donc maintenant, désormais, ouvrez Hébreu chapitre 2, quoi, Actes des Apôtres chapitre 18, 20. Actes des Apôtres chapitre 20. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. J'espère que vous êtes arrangé à manger chez vous avant de venir. Parce que vous savez donc ce que vous voulez faire encore aujourd'hui. Oui. Mm-hmm. Donc, tu as mangé avant de venir. Hein? Ouais, le frère, il a chargé son ventre avant de venir. Il a dit, hier, là, il a attendu, c'est jusqu'à 17h qu'il a mangé. Mais là, vous voyez que vous êtes bien senti hier, non? Mm-hmm. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 20, qui va nous lire à partir du verset 28. C'est seulement le frère là qui lit. Je ne sais pas si d'autres personnes aussi lisent. Toi, tu peux lire, mon cher. Oui, oui. Prends à partir du verset 28. Acte chapitre 20, verset 8. Verset 28. À partir de là, oui. Prenez donc garde à vous-même, oui, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, oui, pour prêtre l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Oui. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Vous entendez ce que l'apôtre Paul dit? Continuez. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous, oui, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Ça va. Vous avez entendu ça? Mm-hmm. Vous avez entendu? L'apôtre Paul, quand il s'est tenu là, il a vu ce qui venait à l'horizon. Il a appelé les anciens d'église, les dirigeants. Il a dit, prenez garde sur tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour perdre l'église de Dieu. Il dit, je sais qu'après mon départ, ils s'introduiront au milieu de vous, les gens, les loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'ils s'élèveront du milieu de vous, donc du milieu chrétien. Il y a des gens qui vont être suscités et qui vont enseigner des choses pernicieuses pour entraîner les disciples avec eux. Vous voyez cela? Continue, c'est pas fini là. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Oui. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Oui. Je n'ai désiré ni l'argent, oui, ni l'or, oui, ni les vêtements de personne. Vous entendez ça, frère? Oui. Mm-hmm. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Oui. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles, oui, et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il n'y a plus de bonheur qu'à donner. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous voyez, donc dans ce livre de Actes chapitre 20, si vous lisez un peu plus haut en prenant partie, votre lecture à partir du verset 20, l'apôtre Paul signifie de façon claire que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Ça veut dire que la volonté de Dieu pour l'église a été révélée au travers de l'apôtre Paul et il a tout donné. Chaque fois désormais que vous voulez aborder un thème chrétien qui se discutait sur la terre, posez-vous toujours la question, les apôtres ont-ils enseigné cela? Si c'est oui, avancez. C'est un peu comme le cas de la dîme. Vous voyez, les gens disent aujourd'hui, non, vous devez payer la dîme. Si vous ne payez pas la dîme, ne donnez pas les offrandes. C'est simple. Ah non, j'ai vu les gens en enfer parce qu'ils ne payent pas la dîme. C'est que les premières personnes en enfer, ce sont les apôtres. Parce qu'ils n'ont même pas enseigné là-dessus. Parce que ça n'a rien à voir avec le ministère chrétien. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, parce que les gens veulent avoir de l'argent, avoir des grosses voitures au là-bas, ils veulent enseigner ces choses parce qu'ils savent que si vous êtes 50 000, chacun donne 10 000, il a assez d'argent. D'autres encore plus graves écrivent les livres pour vendre chaque fois. Ils disent, vous devez acheter ça chaque fois pour soutenir le ministère. Ce sont des désirs pernicieux des gens pour pouvoir détourner les gens de l'évangile. Mais l'apôtre Paul lui dit, il dit que prenez garde à vous-même et à tout le troupeau. Il s'adresse aux anciens, c'est-à-dire à ceux qui sont censés diriger. Maintenant, quand il dit, je vous recommande à Dieu et à la parole de la grâce. Je suppose que ce qu'il a dit, c'est parfait. On ne doit pas y ajouter quoi que ce soit. Vous devez être des dirigeants pour annoncer ces mêmes choses-là. D'accord, frère? Maintenant, voici la chose. Il a prophétisé que des gens devraient venir pour déchirer les brebis. Les gens devaient venir enseigner les choses pour enseigner les gens. Le cas de Noël, c'est un cas typique de cela. Vous allez beau dire, même chez les pentecôtistes, même chez les évangéliques, que Noël n'est pas biblique. Ils disent que oui, c'est vrai que ce n'est pas biblique, mais on fait comme ça pour honorer Dieu. Nous ne voulons pas célébrer comme les catholiques le font. Nous voulons faire pour nous en célébrant Jésus. Dès le départ, il c'est le Dieu soleil. Il a été possédé. Vous comprenez cela? Parce que c'est une fête païenne. C'est une fête païenne. Vous ne pouvez pas prendre quelque chose qui est du païen. Vous venez chez Dieu avec. Ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas amener au Saint-Temple de Dieu le feu étranger. Ça va être le feu de la lampe qui doit être allumée. Vous me suivez, frère? Donc, Noël est une fête étrangère. Tout comme les Pâques des catholiques, c'est une fête étrangère. Vous devez mettre tout ça. Comment? 31 décembre. 31 décembre, c'est quoi, Franco? C'est quoi? Nouvel an. La fête de Noël. La fête de? Nouvel an. Quel nouvel an, frère? 31 décembre, 1er janvier. Premier? La nuit du 31 décembre, 1er janvier. Ok, donc quand on quitte le 31 décembre, on tombe au 1er janvier, c'est une nouvelle année. Oui. Ok. Ok. Premier mois, c'est? Janus. C'est-à-dire Janus. N'est-ce pas? Le dieu des portes. Continuons. Deuxième mois, février. Troisième mois, mars. Quatrième, avril. Cinquième, sixième, combien, quoi? Juin. Septième, juillet. Huitième, neuvième, quoi? Septembre veut dire quoi? Septembre veut dire quoi? Veut dire? On continue seulement comme ça. Donc, nous sommes à combien là? Septembre. Mais vous entendez quoi? Ok, continuons. Octobre. Dans Octobre, vous entendez quoi? Oui. On continue seulement. Vous allez vous embrouiller sur la terre ici. On continue. Non. Novembre, vous entendez quoi? Non. Nous sommes à combien là? Décembre. Combien? Décembre. Il y a? 10. Non. Il y a 12. Et 12, ça se trouve maintenant? À 10. Donc, ça veut dire que 12, donc 12, ça c'est 12e mois. Mais nous entendons 9. Et nous entendons là 10. Alors, votre première année là, ça, c'est à quel niveau? Donne-moi alors comment vous faites pour trouver la nouvelle année. Exode. Ouvrez Exode. Où est le problème qu'on en est, non? Donc, pendant que vous faites votre nouvelle année, Dieu ne connaît pas ça. Dieu ne connaît pas votre nouvelle année, que la fête de nouvelle année. Tu fais quoi sur la nouvelle année? Et par conséquent, les parents ont fait maintenant que c'est la nuit de la traversée. C'est ça, n'est-ce pas? Vous traversez pour aller où? Exode chapitre 1, ouvrez. Chapitre 12, pardon. Donc, vous voyez effectivement que le calendrier que vous suivez maintenant en 1800, ça a été transformé. Ça a été transformé par les différents empereurs, Julius César, Auguste, ainsi de suite. Chacun coupait comme il peut couper. Pour ajouter ici à 31 jours, l'autre à 31 jours, l'autre là, 28 jours. C'est février qui a subi cela. On a coupé ce février fatigué. Dieu vous bénisse. Alors, chapitre 12, verset 1. Verset 1. Du chapitre 12 des. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Écoutez très attentivement. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Qui a parlé? Dieu. Son calendrier ne change pas. Non. Dieu venait de décréter le début du calendrier. D'accord, frère? Oui. Ouais, le frère s'est compté, il souligne rapidement. Son calendrier ne change pas. Et là, nous sommes au mois d'Abib, le mois des épis. C'est-à-dire le mois de Nissan qui correspond à notre mois aux environs de avril-mars. Et maintenant, si vous prenez mars maintenant comme le premier mois, vous allez voir maintenant que quand vous allez arriver à septembre, octobre, décembre, vous allez voir que ça va correspondre. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc normalement, la fête du premier de l'année, le premier jour de l'année, n'est pas en janvier, mais en mars. Vous voyez les problèmes qu'on a, hein? Que Dieu vous fortifie vraiment. Que Dieu vous fortifie. Donc, les fêtes païennes, vous devez vous en éloigner. Vous ne devez pas mixer les fêtes avec les fêtes du monde avec ça. La Bible est claire. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que vous voulez toujours célébrer avec les gens. Oui, mon cher. La fête de l'Assomption, que les catholiques fêtent le 15 jours. Regarde, ah bon, je crois qu'il faut qu'on arrive. Parce que s'il ne fait pas comme ça, là, s'il ne grille pas bien, s'il ne grille pas rapidement, on aura des problèmes. Parce qu'il y aura toujours des questions. Aucune fête. Ni faite chez les catholiques, ni les doctrines, ni bibliques. Donc tout ce que l'église catholique célèbre vient du diable. Je crois que c'est mieux de dire comme ça, pas vrai, frère. C'est pas trop virulent, mais c'est la vérité. Encore, je recommence encore. Toutes les fêtes catholiques, sans exception, y compris les doctrines, viennent du diable et non de la Bible. Comme ça, tu pourras citer n'importe comment. Tu entends directement que ça vient du diable, n'importe quoi tu veux, ça vient du diable. D'accord? Je crois que c'est clair, n'est-ce pas? C'est choquant. Si vous êtes catholique ici, bienvenue. Mais c'est quand même la vérité. Si vous aimez les catholiques, ça vous fait mal, c'est quand même la vérité. Tout ce que votre pape se lève depuis. Enfin, hier, on a vu comment on ne doit pas prier avec. Les hommes ne vont pas prier avec les choses sur la tête. Ils ont décidé de façon délibérale, libérale, de désobéir à Christ. Voilà. Autre chose, tu as encore quelque chose? Vous avez encore quelque chose à demander? Oui, mon cher. Tu la tabaski? Oui. Souvent, les gens y mangent. Alors que s'il y a des fêtes pointes, par exemple, les circonscriptions dans mon village, les gens ne mangent pas. Oui. Donc. Bon, toi, tu as fêté à Tabasco ou tu n'as pas fêté? Non, j'ai pas fêté. Pourquoi? Bon, je me suis dit que ces choses-là, ce sont des idoles. Oui, moi. Oui. Et la Tabasco, c'est la fête de quoi? C'est la fête des musulmans. La fête des musulmans. Ça, on fait quoi là, le jour-là? Les sacrifier un agneau. Pour symboliser quoi? Mouton. Mouton. Oui, pour symboliser quoi? Bon. D'après eux, c'est le fils Isaac. Oui. L'autre là devient. Ismaël. Voilà. En effet, si vous lisez le Coran dans la sourate Les Rangées, la sourate de l'Andersan, la sourate 37, au verset 102, justement. Vous avez le Coran là? Personne n'a le Coran ici. Tu as le portable. Ouvrez le portable, tu ouvres la sourate 37 dans Les Rangées. Dans la sourate dans Les Rangées, il est fait mention là-bas des dons des fils d'Isaac, des fils Ismaël. Puisque Abraham a prié, si vous prenez à partir du verset 100, tu y es déjà, Les Rangées, c'est le surat 37, Les Rangées. Ouvre Les Rangées. Vas-y rapidement à le 102. Écoutez, dans ce surat 37, le verset 102, il est question d'Ismaël. Je vais aller à la Tabasco là, directement. Allons-y, 102, rapidement, mon frère, tu n'as pas encore trouvé 102, lis, allons-y. Puis quand celui-ci fit en âge de l'accompagner, Abraham dit, « Oh, mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Oui. Vois donc ce que tu en penses. » Ismaël dit, « Oh, mon cher père, fais ce qui t'est commandé. » Ce qui t'est commandé. Commandé. Oui. Tu me trouveras, parmi, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. Que le Seigneur te bénisse. Dépose. Alors, d'après ces sourates-ci, d'après le verset 102 de ces sourates 37, vous notez aussi ça pour aller chercher. Alors, c'est ici donc qu'est basé, dans ces sourates, c'est qu'est basé la fête de la Tabasco. Mais vous prenez le livre de Genèse au chapitre 22. Vous prenez dans Genèse chapitre 22, il est question clairement. Lorsque, à partir du verset 1, la Bible déclare, après ces choses, l'Éternel mit Abraham à l'épreuve en lui disant, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Moridja, sur l'une des montagnes, et donne-le en sacrifice sur cette montagne où je vais te montrer. Pas vrai, frère? Donc, de façon spécifique, de façon claire, dans le livre de Bereshit, il est question d'Isaac. Ici, il est question d'Ismaël. Donc, toute l'affaire de Tabasco est basée sur le mensonge et l'usurpation. Vous voyez? C'est un peu comme l'Église catholique. L'Église est bâtie sur Jésus, sur Pierre, comme on a vu la dernière fois. Donc, l'Église catholique est bâtie sur le mensonge. Et donc, la fête de la Tabasco est bâtie donc sur l'usurpation et le mensonge. Parce que Isaac symbolise le fils promis, Christ Jésus, qui est censé venir mourir innocemment, donné en sacrifice par son propre père pour le rachat. Pas vrai? Ismaël ne symbolise rien du tout. En effet, le Coran le place au rang des prophètes. Pourtant, la Bible ne le place pas au rang des prophètes. Ismaël n'a jamais appelé dans la Bible comme prophète. Il ne fait pas partie de la lignée des prophètes. Pas vrai? Mais le Coran tente multiple faces pour pouvoir le mettre dans les rangs des prophètes. Dieu ne l'a jamais appelé comme prophète. Vous voyez ça, frère? Mais quand Dieu va parler à Abraham, quand Dieu va donner la promesse à Abraham, si vous lisez à partir du chapitre 16 et chapitre 17, chapitre 17 principalement de Genèse, quand Dieu parle à Abraham, il dit que je viendrai cette année ici et Abraham aura ton. Je te multiplierai, au grand nombre. Il dit, Abraham dit à Dieu, oh Seigneur, qu'Ismaël vive devant ta face. Vous voyez ce qu'il dit? Abraham a douté parce qu'il savait que il est à l'âge de 99, Sarah à 90, il dit, peut-être Dieu a fait l'erreur parce qu'à cet instant, Ismaël est né. Ismaël avait 13 ans lorsque c'est arrivé. Et puis il lui dit, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu lui dit que certainement Sarah, ton fille, ta femme t'enfantera un fils. À cet instant, Dieu a changé le nom de Sarah, changé le nom d'Abraham pour lui donner une nouvelle destinée. Donc l'être à l'intérieur avait été recréé. Maintenant, quand Abraham dit à Dieu, il dit que qu'Ismaël vive devant ta face. Vous voyez ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit que certainement, parce qu'il comprend que Abraham est en train de douter. Il croyait que Dieu est en train de parler de sa descendance qui est Ismaël. Dieu lui dit que non, certainement. Sarah, ta femme, te donnera un fils. Et c'est par lui que je vais. Où est-ce là? Dont la postérité elle sort de la lignée d'Isaac. Maintenant, plus tard, il dit, mais pour ce qui est d'Ismaël, j'étais exaucé à cause d'Ismaël. Je le multiplierai. Il y a des rois qui sortiront de lui, mais il n'y a aucune promesse d'alliance avec lui. Le Coran, c'est une tentative d'usurpation des choses bibliques. D'accord? Donc, si tu fais de là-bas, tu es en train de manger l'usurpation. D'accord, mon cher frère? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Des questions? Oui. Ismaël, les Arabes sont de quelle lignée? De quelle lignée? D'Ismaël. Regarde, c'est complexe. Parce que si vous prenez le cas, le peuple juif particulièrement, vous allez voir que c'est complexe également. Si vous prenez dans ce livre de Genèse, chapitre 16 et chapitre 22 particulièrement, vous allez voir effectivement que de lui sont sortis 12 princes. D'accord? Vous allez commencer à voir dans la Bible, on parle de Doman. On va parler de Bazan. D'accord, frère? Mais ça veut dire que ce sont les ramifications pour donner les différents peuples. Ils vont aller peupler la Philistine. La Philistine. D'autres vont aller peupler les Toubal. D'accord? Vous ne pouvez pas dire de façon spécifique. Enfin, il n'y a aucune relation entre Mohamed lui-même et Ismaël. Ce sont des usurpations. Si vous voulez, demandez à un musulman que montre-moi que Ismaël est issu, que Mohamed est issu d'Ismaël. Il ne mettra pas. Mais maintenant, avec la Bible, on peut mettre depuis Abraham jusqu'à Jésus. Pas vrai, frère? En passant par Isaac. Dites la même chose pour eux, un Ismaélite. Dites la même chose pour eux. Si vous voyez un musulman, dites que je ne veux pas deux choses. Fais-moi la généalogie depuis Ismaël jusqu'à Mohamed. Il ne pourra pas l'établir. Ce sont des voleurs. Des questions? C'est bien comme vous avez le Coran, ça se passe ici. Il faut vérifier. Oui, mon cher. Oui, d'abord qui Paul? Oui. Moi je voulais savoir parce qu'il y a des chrétiens qui donnent à leurs enfants des cadeaux de Noël. Oui. Puisque Noël est une fête. C'est automatique. C'est-à-dire que tu donnes un cadeau de Noël, tu dis qu'il te souhaite ce cadeau, si tu donnes ça en vertu, on célèbre le Dieu Soleil. Posez la question. Après que vous avez entendu comme ça, vous n'avez plus de choix. Dieu a les yeux sur vous maintenant. Donc même si vous fuyez le frère Diata ici, vous allez partout là, il vous appelle le 25 décembre, venez en prêtre, non, je suis en train de, alors que vous êtes en train de fêter. Dieu vous voit. Oui. Est-ce que le chrétien doit-il manger le riz préparé pendant la fête ou bien certaines fêtes? Est-ce qu'il doit manger? Supposons que nous sommes le 25 décembre aujourd'hui. Supposons. La maman de la maison prépare. On va manger ou on va pas manger? On va manger. Mais si c'est demain, il a un peu, on va manger ou pas manger. Quel est le problème avec la nourriture? Le fait que par exemple vous avez des voisins. Oui. Il vous sert. Si c'est la nourriture maintenant, est-ce que le lendemain il vous sert la nourriture? Avant, hier, il vous a servi la nourriture. S'il attend ce jour-là pour servir la nourriture, c'est qu'il va dire que mon frère, célébrons ensemble la fête de Dieu Soleil. Là, je ne prends pas l'autre là. D'accord? Il dit que garde, demain tu me donnes. Parce que le 26, ce n'est pas le Dieu Soleil. D'accord? Posez des questions. Vous êtes les fêtards ici, non? Ok. Oui. Moi, je veux poser la question parce que, à savoir, la terre d'Israël. Oui. Pourquoi aujourd'hui elle est appelée Palestine? Palestine. Oui. Mais ça a été appelé Palestine avant que ça soit comme ça. La terre d'Israël, les orthotons là-bas ne sont pas les Israéliens. Parce que depuis la Bible déclare que quand Abraham est là-bas, il n'a pas permis qu'il ait une tente là-bas. Il a dit, marche dans le pays et mets-y les empreintes parce que je donnerai ça à ta postérité. Pendant qu'Abraham séjourne là-bas à Canaan, il y a des peuples là-bas. D'accord? Ces peuples-là, c'est le peuple qu'on appelle les Palestiniens. Donc en réalité, c'est leur père, mais Dieu a dit qu'il a donné ça aux Juifs. Si les gens de l'ONU se fâchent, qui se fâche? En plus, maintenant, la Bible déclare même que ça va s'étendre. Leurs frontières vont s'étendre même jusqu'à presque le fleuve d'Égypte, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que la frontière d'Israël va s'étendre. Mais est-ce que dans la Bible, le nom Palestine est là-bas? C'est toi qui avais posé la question le premier jour de la Palestine, c'est ça, n'est-ce pas? Exactement. Alors que tu as déchiré ça, n'est-ce pas? Ça te dirait encore comment? Non, parce que la terre, comme moi j'ai vu là-bas, oui. Moi j'ai vu le nom de Canaan. Oui. Et puis par après, j'ai vu les fils de Canaan. Tu as vu à la Syrie? La Syrie? Oui. Oui. La Syrie, c'est quel pays aujourd'hui? Damas. C'est Damas? Non. Mais il y a le Liban dans la Bible, Syrie, non? J'ai pas dit la Syrie. Il y a la Syrie, A-S-S. Pas la, L-A et S-I de ce côté-ci, d'accord? Il dit la Syrie. Non. Tu l'as vu? Ouvre Michée, il va te poser une question. Le livre du prophète Michée. Faites vivre, il faut qu'on avance. Faites vivre. Balancez votre question rapidement en avant. Michée, le livre du prophète Michée au chapitre 5. Michée chapitre 5. J'ai dit Michée, n'est-ce pas? Tu y es? Ouais. Lis-nous à partir du verset 1. Et toi, Bethel? Bethlehem et Ephrata. Bethlehem et Ephrata. Oui. Toi qui es petit parmi les milliers de Judas. Oui. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé. Oui. Au jour d'éternité. Oui. C'est pourquoi il les abandonnera. Il les abandonnera, mon frère. Jusqu'au. Il est quoi? Il les abandonnera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Ok, donc c'est ta version, oui. C'est la version de la Palestine, là. Continue. Okay. Voilà, maintenant on dit qu'il les abandonnera. Ça veut dire qu'il va quitter jusqu'à ce qu'il va enlever la main là-dessus, jusqu'à ce que enfante la personne qui doit faire enfanter. Continuons. Et le reste de ses frères reviendra auprès des fils d'Israël. Oui. Il se redressera et il fera paître avec la force de l'Éternel, oui, avec la majesté du nom de l'Éternel. On parle de qui ici? Dieu. On parle de qui? Celui qui va paître là avec la force de l'Éternel, c'est qui? C'est continuons maintenant. Et ils auront une demeure assurée, car il est dès maintenant glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Oui. C'est lui, c'est lui qui, c'est lui qui la paix. Qui ramènera. Oui. Ici, on a dit qui sera la paix. Oui, enfin, il est le prince de paix. De toute façon, continuons. Lorsque la Syrie viendra dans notre pays. Alors, non, allons-y en tout doucement. Lis là-bas dans ta version, mon cher. Écoute bien. Lis. Mm-hmm. C'est lui qui ramènera. Celui qui ramènera la paix lorsque la Syrie viendra. La Syrie viendra dans notre pays. Oui. Et qu'il pénétrera dans nos palais. Oui. Nous ferons le. Lever contre lui sept pasteurs. Alors je pose donc la question, parce que tu en as posé la question sur la Palestine, que quand tu ne vois pas. Ici, cet événement-ci, est-ce que c'est déjà passé? L'événement-ci, est-ce que l'événement que je viens de lire dans cette prophétie-là, est-ce que c'est déjà arrivé? Oui. C'est déjà arrivé. Il dit l'événement-ci. On dit celui qui va ramener la paix lorsque la Syrie va venir envahir notre pays, celui qui va chasser la Syrie. C'est déjà arrivé. Non. Ok, maintenant, voilà la Bible. Vous avez la Bible au devant de vous. Le verset indique, et toi, Bethlehem Ephrata, tu n'es pas être le moindre des Judas. De toi sortira pour moi un chef qui dominera sur Israël dans le jour, le jour des jours, vraiment au jour de l'éternité. Donc nous voyons effectivement qu'il est né à Bethlehem. Mais est-ce qu'il allait gouverner sur Israël? Donc ça n'est pas encore arrivé. Et maintenant, on dit effectivement que lorsque la Syrie va venir envahir Israël, c'est toujours lui qui va venir plus tard pour le chasser. Là, il pose la question, qui est la Syrie? Parce que la Syrie, c'est un pays qui était à ce moment-là. Je ne sais pas si tu comprends le pourquoi ils sont en train de prendre ici. Parce que tu as dit que Ismaël, quand tu lis, tu vois plutôt Canaan. Mais aujourd'hui, tu ne dois pas voir Canaan dans la carte du monde. Parce que ça a pris un autre nom. Or maintenant, si tu comprends ce que la Bible appelait par Israël, tu peux connaître exactement là où le monde a décidé de se diriger. Parce qu'il y a une attaque contre Israël qui est programmée. Voilà ce qui est écrit là-bas. Et on dit que ce pays-là s'appelle la Syrie. Est-ce qu'il y a un pays que vous entendez aujourd'hui qu'on appelle la Syrie? Non. Donc, ça veut dire qu'il faut maintenant regarder la correspondance biblique du nom ancien, donc nom biblique d'un pays, et le nom moderne. D'accord? Ouais. Voilà, donc, il faut faire attention. Donc, Canaan, Palestine n'est pas le nom, c'était le nom récent, mais le nom initial, c'est Canaan. D'accord? Et Canaan n'est même pas le nom d'un pays, c'est le nom d'un fils, d'un petit-fils de Cham. D'accord? Voilà. Des questions? Ouais. Oui. En fait, moi, ma question est, conformément dans 1 Samuel, donc, le chapitre 3, verset 9, oui. Est-ce que Dieu peut donner donc un secret qui n'est pas forcément mentionné donc, dans sa parole? Absolument. Absolument. Il y en a plein comme ça dans la Bible. Vous avez entendu dans Apocalypse, les tonnerres, ce que les tonnerres ont dit, les sept tonnerres. Tu as lu Apocalypse? Apocalypse, oui. Oui. Quand les tonnerres parlent, brrr, les tonnerres, les sept tonnerres ont parlé. La Bible déclare, Jean voulait écrire ce qu'on dit, les sept tonnerres. On lui a dit de ne pas écrire ce que les tonnerres ont dit. Vous avez vu cela? Donc le tonnerre a parlé. Comme vous entendez, quand il veut pleuvoir, il veut ce sont les langages. Jean a entendu. Donc ça veut dire qu'il y a un message caché dans les sept tonnerres. Pas le secret qui est écrit. Mais c'est écrit littéralement. Tu as dit que les tonnerres ont dit quelque chose, mais tu ne peux pas savoir ce qu'il dit parce que c'est un secret. D'accord, mon frère. Des questions? Oui. Ok, je veux aussi savoir. Si votre question est, vos questions sont épuisées, vous me dites, il place là-dedans. Okay. Mm-hmm. L'histoire, parce que au temps de Saül, oui. Quand il y avait le problème, donc ils ont allé consulter la dame. La sorcière d'Andor. Oui. Mm-hmm. Qui a appelé l'esprit de Samuel. Samuel. Mm-hmm. Et ça, je veux vraiment savoir le pourquoi Samuel, qui était mort, mm-hmm. et son esprit était venu répondre oui. à la femme qui a invoqué son esprit. Lévitique chapitre 19. Ouvrez Lévitique chapitre 19 rapidement, rapidement. Mm-hmm. Lévitique, le chapitre 19. Bon, puisque vous en avez noté, notez le verset 31, puis notez également Lévitique, chapitre 20, le verset 6. Lévitique, chapitre 19, verset 31. Et puis Lévitique, chapitre 20, verset 6. Allons-y maintenant, toi lis donc. Il est écrit. Ne vous tournez pas à haute voix. Ne vous tournez pas vers ceux qui invoquent les esprits, ni ceux qui prédisent l'avenir. Prédisent l'avenir. Ne les recherchez pas de peur que vous. De peur de vous souiller avec vous eux. Souiller avec eux. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Mm-hmm. Chapitre 20 maintenant, verset 6. Le verset 6, il est écrit. Si une personne se tourne vers ceux qui invoquent les morts ou vers ceux qui prédisent l'avenir pour se prostituer avec eux, je tournerai ma face contre cette personne et je la retrancherai du milieu de son peuple. Là, nous nous trouvons dans le désert, pendant que ces lois s'y sont données, n'est-ce pas? Oui. Quand Dieu dit que si quelqu'un se tourne vers ceux qui invoquent les morts, il va retrancher cette personne-là du milieu de son peuple. C'est parce que le Seigneur sait que dans les pays dans lesquels les Juifs passaient, cette pratique était courante. Or, lorsque nous voyons le prophète Samuel, c'est plus de 500 ans après la sortie d'Israël, du pays d'Égypte, n'est-ce pas? Ça suppose que depuis le désert, Dieu les avertit déjà des pratiques qui se passent. Ça veut dire que le culte des morts n'est pas un culte d'aujourd'hui. C'est un culte qui se pratiquait. La véritable question, c'est comment quelqu'un qui est sorcier a pu appeler l'esprit d'un prophète. C'est ici le problème. C'est ça qu'il fallait poser comme question. Oui. Parce que si c'est pour. Je voulais prendre ça pour définir que si c'était pour les morts, ils appelaient déjà les morts. Mm-hmm. D'accord? Ils appelaient, ils faisaient monter les esprits des morts. Mm-hmm. Mais Dieu interdisait ça pour le cas des croyants. Mais la question, c'est pourquoi avait-il fait monter Samuel? C'est Dieu qui l'a permis pour donner la prophétie à Samuel, à Saül. Mm-hmm. Donc, le livre de Samuel, où tu as pris ces choses dans le chapitre 28, parle lorsque cette personne s'est montée, même la femme a frémi. Parce qu'elle a effrayé. Saül a dit que n'aie pas peur. Parce qu'elle s'est tournée, elle dit que tu es Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Il dit n'aie pas peur, femme. Rien t'arrivera de mal. Dis-moi ce que tu vois. Il dit je vois un Dieu qui monte de la terre. Il dit qui est-il? Enveloppé d'un manteau. Il dit qui est-il? Il a donné la description. Il a compris que c'était Samuel. Il s'est mis comme ça à genoux, il s'est prosterné. Et Samuel lui a dit pourquoi m'as-tu troublé? Pourquoi m'as-tu dérangé? Il dit que l'Éternel te traite comme je t'avais dit, quand tu es sur la terre. Pas vrai? Vous voyez qu'un prophète est prophète partout. Si vous êtes voleur, n'essayez pas d'aller célébrer la fête de Noé, quoi que quand vous allez mourir, vous allez célébrer que la fête de l'Éternel. Ça ne marchera pas. Vous allez célébrer le Dieu soleil même là-bas. D'accord, mon cher? Donc c'est Dieu qui a voulu pour qu'il vienne pour nous donner les enseignements aujourd'hui. Et le simple fait qu'il soit monté, c'est un très grand enseignement pour qu'on puisse, pour la compréhension de le destin, la destinée de ceux qui meurent en Christ Jésus. Où est-ce que c'était avant Christ? Où est-ce que c'est après Christ? D'accord? Voilà. Des questions? Oui, mon cher. En tant que chrétien, nous sommes appelés à une lutte perpétuelle avec nos ennemis, notamment les sorciers et. Je suis pour m'exprimer sur les esprits. Oui. Méchants qui sont dans les lieux célestes. Oui. Comme les cylindres des œufs. Donc, dans un premier moment, j'aimerais que vous nous disiez en quelque sorte quels sont les conseils au travers de la Bible ou messages que vous pouvez nous véhiculer pour la lutte contre les sorciers et dans un moment aussi la cylindre des œufs. Merci. C'est très bon. Très bon. J'ai apporté l'ordinateur aujourd'hui. Je vais vous mettre les enseignements. Il y a un enseignement intitulé Tenir ferme. C'est le titre d'abord de l'enseignement, tenir ferme. Tu fais bien de le dire, nous sommes en territoire ennemi. Et Dieu nous apprend comment les tactiques de combat. Dans Éphésiens chapitre 6, il dit prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc la première arme à prendre, pour, en tant que chrétien, il faut que chacun soit revêtu de la puissance de l'autorité de Jésus. Si vous n'avez pas ça, tout ce que vous bavardez là, c'est pour vous. Donc il faut commencer par là. Ça veut dire que chacun doit vérifier dans sa relation qu'il soit dans l'intimité avec le Christ Jésus. Et que dans ce cas-là, qu'il sache que lorsqu'il va appeler Jésus, ce sera le vrai Jésus. Sinon, dans les moments difficiles, vous allez appeler, il ne répondra pas. Donc ça veut dire qu'il faut que nos relations, s'il y a conseil à donner comme tu l'as demandé, s'il y a conseil à demander, ça veut dire que profinez vos rapports avec le Seigneur. Nettoyez, éloignez-vous et rapprochez-vous davantage du Seigneur Jésus. Comme mon grand frère avait dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, voyez cela, approchez-vous de lui. Voilà ce qu'il en est. Parce que plus vous approchez de Jésus, plus sa sainteté vous court, plus sa puissance est vôtre, plus ses manifestations et votre plus il pense au travers de vous et vous donne de connaître ce que l'ennemi en est de penser. N'essayez pas d'abandonner Jésus pour dire qu'il m'avait étudié le Seigneur des hommes. Regarde bien, si Jésus est ici, tu dis que je m'avais étudié le Seigneur des hommes. Le Seigneur des hommes, c'est quoi? Tu en es allé où là, frère? Hein? Tu pars dans le royaume. Approchez plutôt de Jésus. Pendant que tu approches de Jésus, tu en es causé avec Jésus, lui, il voit l'ennemi derrière toi. D'accord, frère? Des questions? Oui. Bon, quand vous développez sur l'origine de la fête Noël, oui. Je n'ai pas saisi sur l'origine aussi de la fête Pâques. La fête des Pâques, ouais. La fête des Pâques, ok, maintenant c'est bon. La fête pour les catholiques. Donnez-moi ce calendrier, s'il vous plaît. Le calendrier qui est debout là. Voilà, merci. Je crois que vous en avez ici. Dans ce calendrier, si vous voyez, c'est en août ici, ça c'est le calendrier de 2018. Vous voyez qu'en août, le 6 août, sur votre calendrier, c'est écrit Transfiguration. Ouais. La Transfiguration, c'est quoi? La Transfiguration de Jésus, quand il était à la montagne. On a donné la date de ça. Hein? Non. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Vous voyez déjà le problème. Et c'est ici, quand tu vas naître, on va dire que oh, le jour, le 9 juin, août, c'est Amour. Si un enfant naît là-bas, quelqu'un prend le calendrier, cherche le nom. Au lieu de demander au Seigneur quel est le nom que tu veux qu'il donne pour l'enfant, il va chercher ce que les païens ont fait. Allons-y, le 15 août. Le 15 août, voilà, 22, ils ont écrit Tabaski ici. C'est grave. Oui, le 15 là. 15 ici. Assomption. L'assomption signifie que Marie est montée avec son corps physique dans le ciel. C'est pas terrible ça, frère? Jésus a dit que personne n'est descendu du ciel, n'est monté au ciel, si ce n'est que celui qui est descendu. Le septembre, c'est. Septembre, Nativité, Notre-Dame. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Oui. 25 décembre, Noël. Noël, la Nativité du Dieu Soleil. Ici, il s'agit du Dieu Soleil, dont le solstice d'hiver. Et là, vous voyez, effectivement, c'est le jour où les jours s'allongent avec le soleil. Je vais continuer, il y avait quelque chose que vous voulez regarder ici. Oui, avril, là. Avril. Voici avril, Pâques. Regardez bien le 1er avril ici dans votre calendrier. Vous me prenez, passez entre vous. Vous avez vu, n'est-ce pas? Faites voir, le 1er avril, c'est le dimanche qui est là-bas. Grave encore, il y a encore dimanche de Rameaux, pas vrai? Dimanche de Rameaux. Vous posez la question, dimanche de Rameaux, ça veut dire quoi? Il dit que ce jour-là, chacun prend les rameaux, il vient à l'église, on prie pour vous, vous allez mettre à la maison. Continuez comme ça, les démons vont vous appuyer le cou. Faites passer. Regardez, vérifiez d'abord. Vous avez vu Pâques, n'est-ce pas? La façon que c'est écrit. Donc, il n'y a pas de fête de rameaux dans la Sainte Écriture. Il n'y en a pas. Vous lisez la Bible dit que les gens vont couper les branches des écritures. En fait, même si on avait fêté ça, il n'y a aucune recommandation qu'on le fasse. Parce qu'on ne réitérera et on ne pourra jamais réitérer ce qui s'est passé. Continuez. Vous avez vu, n'est-ce pas? Faites passer dehors. Vous avez remarqué que Pâques est écrit comment? Avec S. Ça ne se trouve nulle part dans la Bible. Ceci, c'est une autre fête qui avait lieu longtemps avant la Pâque juive. Ça vient des Celtes, du pays nordique. Donc, ça n'a rien à voir avec dans la Bible, la Pâque dont la Bible parle, la commémoration de notre Seigneur. Je crois qu'il y a un enseignement sur ça, la sept fêtes chrétiennes. Je vais vous donner tout cela, vous allez écouter tout ça en détail là-dedans. Comment ça va se dérouler, quand ça va se dérouler. Pas selon le calendrier là, selon le calendrier que vous venez de lire dans les Saintes Écritures. Où Dieu a dit, ce mois-ci pour vous, c'est le premier du mois de l'année. C'est-à-dire que Dieu a fixé son calendrier. À partir de là, maintenant, vous pouvez donner. Parce que si vous prenez ce calendrier, si quand vous allez lire dans la Bible, un temps, la moitié d'un temps et des temps, vous ne pourrez jamais compter. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Parce que Dieu donne ses événements selon ce calendrier, pas selon votre calendrier. Et ce n'est pas à lui de se conformer à notre calendrier. C'est nous qui devons arrimer notre calendrier au sien. D'accord, frère? Oui. Donc, il y a un enseignement concernant cela. Et comme quelqu'un a posé la question, il y a un enseignement sur la radio que j'avais fait à la radio sur les festivités païennes, des 31, des 1er janvier. C'est là, vous allez avoir cela. Oui, mon cher. Ouais. Par rapport à la fête de Pâques, oui. Maintenant, comme nous savons que ce n'est pas au mois de janvier, au mois de décembre, oui. Que c'est le mois de. Normalement, c'est le mois de mars, le 14e jour. Oui, non, ce n'est pas le 14e jour du mois de mars, ce n'est pas dans ton calendrier. Ouais. C'est le 14 Nissan. Ce 14 Nissan là fluctue dans notre calendrier à nous. Donc pour eux, chez eux, c'est fixé. C'est le 14 Nissan. C'est à toi de vérifier dans ton calendrier c'est à quoi correspond le 14 Nissan chaque année. D'accord? Et là, Dieu merci, maintenant vous avez les téléphones Android. Vous téléchargez le calendrier hébreu, vous téléchargez le calendrier sur votre Android, ça met automatiquement la date de l'hébreu et la date correspondant aujourd'hui. Donc, on ne peut pas dire que vous ne savez pas calculer. On ne vous demande pas de calculer. Vous regardez seulement le 14 Nissan. Là, dans le calendrier hébreu, nous sommes en année 5776 ou 79 comme ça. Vous voyez? Donc, vous pouvez regarder la correspondance. D'accord, mon cher? Tapez calendrier hébreu au lieu de taper Zuma pour jouer le jeu de serpent. Tapez le calendrier hébreu. Vous regardez ce qui est dit. Maintenant, est-ce que nous devons faire cette fête-là? Quelle fête? La fête de Pâques. Mais c'est la fête de Pâques qu'on nous demande de faire, que Jésus a dit que fête, c'est ça, mémoire de moi. C'est ça dont il est question. Donc, comme c'est la seule fête chrétienne. La Pentecôte. Quelle Pentecôte? On fête la Pentecôte, c'est parce que c'est ce que j'ai fait. Tu es pentecôtiste, frère? Non. Les pentecôtistes sont ceux qui fêtent dehors. Ceux qui sont à l'intérieur attendent le Saint-Esprit. Donc la fête de Pentecôte, c'est pour les Juifs, pour célébrer la liberté. C'est après le 49e sabbat, la 50e veut dire. Maintenant, le 50e était le symbole du Saint-Esprit. Et Dieu, même si tu veux satisfaire la Pentecôte, il faut que tu commences par le sabbat. C'est pas ça, hein? Si. Bon, c'est un peu plus d'éclaircissement parce que si nous devons fêter, c'est bon. Oui. Donc nous sommes tenus maintenant de chercher pour voir la correspondance des calendriers. Tu vois que quand tu veux fêter le 25 décembre, tu ne cherches plus, non? Ouais. Parce que tu es habitué au 25 décembre. Ouais. Maintenant, commence par chercher. À un moment donné, tu vas savoir automatiquement. D'accord? Mais est-ce que vous voulez fêter? Fêter quoi? Je fête chaque. L'année dernière, nous avons fêté. Oui, l'année prochaine, cette année qui vient d'arriver, nous allons fêter encore le 14 Nissan. D'accord? Parce que Christ n'est pas mort chaque jour, comme les catholiques font là. Ils le crucifient chaque jour. S'ils font le deo, ils font ça. Ils font le mariage, ils font le baptême, ils font ça chaque dimanche, ils font chaque soir, ils font. Christ n'est pas mort chaque jour. En tout cas, ça montre clairement que ce sont eux, les Romains, qui ont crucifié Jésus. Donc, ils s'attellent à ce que Christ ne se ressuscite pas. Des questions? Oui, mon frère. Qu'est-ce que vous pensez du film qu'on a joué sur Jésus et les représentations imagées? Ce qu'on ne savait même pas d'abord, c'est que. Non, ne t'inquiète pas. Mm-hmm. D'abord, le film sur Jésus de Nazareth, vous savez que la personne qui a joué le film à l'âge de 12 ans, c'était une fille. Mon Jésus n'est pas une fille. Continue comme ça. Mon Jésus se trouve dans la Bible. Non, laisse-moi le film de Hollywood. Des questions? Oui, mon frère. Je vais poser une question sur le mariage. Oui. Avant. Est-ce que la dot, c'est un principe biblique? Il y a 6 enseignements là-bas sur le mariage. D'accord? Tu es déjà marié? Non, pas du tout. Avec toi, il avait parlé la dernière fois. il avait compris que je lui ai dit que. Est-ce que tu sais que tu dois te marier? Il dit que oui, il va te marier. Donc, il cherche maintenant à voir s'il va doter. Il y a la dot est exactement comme la dîme. C'est-à-dire, l'enseignement de la dot est exactement comme la dîme. La dot, la Bible ne parle pas de la dot qu'on doit doter n'importe qui. C'est pas l'enseignement biblique, ça. D'accord, mon frère. C'est choquant, mais c'est la vérité. Concernant aussi. Tu as d'abord assimilé l'autre là. Hein? Ouais. Ok, va épouser ta femme alors, je vais voir. Oui, pose la question. Concernant est-ce que l'église marie ou ne marie pas? Marie qui? C'est-à-dire, si l'église célèbre le mariage. Mais la Bible déclare réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. C'est, il est notoire que si tu veux fêter, là, que tu veux célébrer ton mariage, que les frères fêtent avec toi, mais c'est pas le rôle de l'église de vous marier. Mais vous vous réjouissez seulement. On dit, quand tu as deuil, tout le monde pleure avec toi, non? Quand tu te maries aussi, tout le monde se réjouit. Quand l'enfant vient, tout le monde se réjouit. C'est la réjouissance entre frères. Mais personne n'a le droit de dire que je vous lis. Il n'y a pas d'écriture pour cela. D'accord, mon cher? Alors, dans ce sens, qui marie donc? Tu vois que le catholique a fait ton effet dans sa vie. Il a toujours ce désir-là que quelqu'un fasse quelque chose. Prends le temps, quand les enseignements qu'il veut laisser là-bas, suis première partie du mariage, deuxième partie, troisième. Prépare-toi parce que ça risque de te faire fuir. Il y a 6 parties sur le mariage. C'est quoi le mariage d'après la Bible? D'accord? Quand tu vas suivre, c'est un peu plus clair. Les deux choses, l'une, après avoir suivi ça, soit tu jettes ta Bible, ou bien tu te déposes tranquillement, tu regardes le dehors, tu dis que le dehors est mauvais. D'accord? Des questions? Oui, mon cher. Donc, concernant ce que vous venez de dire. Tu es marié? Non, pas vraiment. Ok, allons-y alors. Comprends votre souci. Ok, bon, je demande, comme il n'y a pas une célébration. Oui. D'accord. Mais on peut faire une prière de bénédiction. Non, non, je n'ai pas dit qu'il y a une célébration, qu'il n'y a pas une célébration. D'accord. La célébration stipule une fête. Parce que c'est le moment de réjouissance. Dans Jean chapitre 2, on voit Jésus-Christ qui était allé à cette fête de réjouissance. Mais la différence maintenant envers eux, c'est s'il y avait quelqu'un qui devait célébrer le mariage et ordonner le mariage, ce serait Jésus. Mais il y a été invité comme un participant. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Jésus est Dieu. S'il y avait un sacrificateur à bénir le mariage, ça devrait être lui, dans ce mariage de Jean chapitre 2. Mais on l'a invité comme un simple invité, il était parmi, il s'est réjoui, ils ont bu jusqu'à ce que c'était fini, il a même multiplié encore, pas vrai? Alors là, ce que je viens de dire, c'est lorsque vous participez dans cette fête-là, c'est vous qui fêtez. Vous fêtez avec votre frère, vous réjouissez de ce qu'il sait, il a retrouvé sa côte. Ce n'est pas facile de trouver la côte ici, dehors. D'accord? Mais ce que je viens de dire, c'est personne n'a le droit. Vous pouvez prendre un prédicateur qui se lève ce jour-là et vous prêchez pour ceux qui sont invités, ainsi de suite. Mais on n'a pas le droit de dire je te marie. Parce que Jésus, la Bible déclare que c'est Dieu qui les joint. D'accord? Ce n'est pas un homme qui joint quelqu'un sur la terre. Voilà. Des questions? Oui. Bon, maintenant, concernant la fête du Tabaski. Oui. Encore? Tabaski? Oui. Tu as mangé le mouton? Oui. Oui, il a mangé. Oui. Le frère veut faire sa meilleure coupe. Il a quand même mangé. Oui, dis-nous. Ok. Bon, parfois on est dans des familles composées de catholiques et de chrétiens. Oui. Ouais. Et les musulmans, parfois, ils nous servent. Oui. Des repas. Oui. Ouais. Maintenant, je demande si le chrétien peut avoir accès à ces repas. Le repas de la Tabaski ou bien chaque jour quand on mange? Non, non, le repas de la Tabaski. De la Tabaski. Toi, tu as déjà mangé. Si tu dis maintenant que c'est ça, c'est pas ça, tu vas faire comment pour vomir? Tu as déjà mangé, non? Je vais juste demander à Dieu mon pardon. Tu as demandé pardon à Dieu. Donc, bon, prochain. Si c'est pas bon. Oui. Attends, prochain Tabaski, tu vas quand même fêter. Parce qu'on a vu tout à l'heure là que la Tabaski était une fête, une tentative d'usurpation du titre d'Isaac. Donc c'est derrière le mensonge. Donc c'est la fête du mensonge isaacien. Alors comme c'est la fête du mensonge isaacien, est-ce que tu vas toujours participer? Non. Donc ça veut dire que la fête de Tabaski, tu n'as plus la célébrer, non? Non. Des questions encore? C'est bon. Oui. Le... Dans le camp de ténèbres, oui. Concernant les sorciers, oui. Et les satanistes. Qu'est-ce que les sorciers t'ont fait, toi? Depuis, pose des questions sur les sorciers, les sirènes, les oeufs et autres. Tu seras d'accord que tout à l'heure on prie, non? Pendant que vous n'y êtes, c'est cet esprit-ci qui contrôle votre pays. Quand j'étais à Dakar, l'un de ces grands esprits qui contrôle votre pays est venu pour m'attaquer. J'ai vu, j'ai comme l'impression qu'il y a un des grands tribus ici chez vous qui servent un esprit des eaux, mais sa forme c'est l'alligator, comme le crocodile. Donc il doit y avoir une tribu chez vous ici qui adore cet esprit-ci. Et les gens font des sacrifices en bordure des mers. Donc quand je suis entré dans le pays où je parle comme ça, c'est comme ça qu'ils essaient de m'attaquer. Je ne sais pas quel est le clan ici chez vous qui adore. Tu connais? Les c'est le nom. Les quoi? Non, je ne parle pas ici, il dit quand j'étais à Dakar. D'accord, c'est quel le type de sacrifice auprès de la mère? Ils ne sont pas ici en casa. Ils ne sont pas ici en casa, oui, mais c'est le même esprit, je suis. Oui. Ils sont à Dakar. À Dakar. Le Wolof. Donc, comment ma chère? L'Elebu. Ce sont eux. Donc, c'est eux qui commandent avec ces esprits-là. Ce qui est curieux, c'est que quand je suis cet esprit, j'ai vu que cet esprit s'est trouvé en plein dans les mosquées. Donc, même les musulmans servent les esprits des eaux. C'est terrible. Mais donc, les esprits des eaux sont adaptés même avec le Coran. Et chez vous ici donc, de ce côté-ci, il y a toujours les esprits des eaux, mais ceux-ci sont plus versés dans les persécutions avec les filles, utiliser les filles dans l'impudicité. C'est grave ici chez vous. Vous devez être vraiment armé. Donc je comprends ton souci, d'accord frère. Parle-nous donc, pose-nous la question. C'est-à-dire, parce qu'il y a les satanistes quand même, c'est-à-dire c'est dans le front de discernement entre une personne qui est dans le satanisme. Sans pourtant être dans la sorcellerie. Oui. Ou est-ce qu'une personne qui est sataniste est forcément un sorcier? Parce que le sorcier, parce que moi, la manière dont je comprends le satanisme, les satanistes, souvent, il le faut, par exemple, c'est une personne qui, par exemple, veut que pour de l'argent. Donc, il est obligé de satisfaire ses enfants parce qu'il n'a pas le choix, il a dû, il travaille, mais il n'a pas eu. Donc, pour avoir un boulot, pour percer dans le monde des affaires, oui. Donc, il part des satanistes. Bon, je te pose une question. Oui. Le sorcier, alors, c'est qui? Le sorcier, c'est qu'il fait que détruire. Non, arrêtons d'abord. Le sorcier, c'est qui? Le sorcier, il sait qui? Le diable. Ok. Le franc-maçon, c'est qui? L'église catholique, c'est qui? Tous sont des sorciers. Tu vois, chacun a son niveau. C'est ça le problème. Parce que dès que tu contredis la parole de Dieu, tu es du côté du diable. Il n'y a que la vérité et le mensonge. Et si tu contredis la vérité, tu te trouves où? Dans le mensonge. Et qui est le père du mensonge? Alors, ça veut dire que tu commences à contredire la vérité de la Bible. Ton père, c'est le diable. C'est compris, frère? Mais c'est niveau par niveau. Niveau par niveau. Quand ce que tu appelles satanisme, tu dois savoir qu'il y a une religion physique maintenant appelée satanisme. Ils ont un livre, une Bible satanique, où ils prêchent, exactement comme on a de prêcher là-bas. C'est l'église de Satan. En 1966, Anton LaVey qu'il a fondé aux États-Unis. Alice Crowley, en 1945, a écrit les bases de cela. D'accord? Et donc, il y a l'église satanique aux États-Unis qui commence à diffuser même ses livres dans les écoles. On doit enseigner le satanisme dans l'école. Que Satan, c'est un bon être qui a enseigné à Ève à comment s'habiller. Ça enseigne dans l'école aux États-Unis. Quand vous venez dans l'église, ils font des sacrifices en disant, comme vous dites, Ave Maria. Ils disent Ave Satanas. On est mal barré, mon cher. Donc, c'est satanisme, c'est niveau par niveau. La sorcellerie, c'est également aussi niveau par niveau. Celui que vous appelez marabout, c'est un sorcier. Un autre problème ici chez vous, ici, c'est le maraboutisme. Les gens sont. C'est comme si vous mangez seulement les médicaments là, des sorcelleries. Vous mangez seulement. C'est à peine même que les pasteurs eux-mêmes ont ça aussi. Parce que les pasteurs prêchent Jésus, ils ne croient même pas à Jésus, ils partent se protéger chez les marabouts. C'est terrible ici chez vous. Il faut la délivrance seulement. Ah, l'autre là, tu as demandé que je répète maintenant. L'autre là, il dit maintenant qu'il demande que je répète. Donc je dis qu'ici, vous êtes empreint avec l'esprit de maraboutisme. Il y a des fausses croyants qu'on mélange avec le christianisme. C'est-à-dire que les gens, comme celui-ci par exemple, il vient à l'église dimanche, et puis l'autre jour encore, il est chez le marabout. Le pasteur lui-même est comme ça, il a sa protection. Ils ont les choses qu'ils ont attachées. Comment? Beaucoup. Il y a beaucoup. Et quand vous faites comme ça, comment vous faites pour les combattre alors? Donc souvenez-vous qu'il y a beaucoup de pasteurs ici qui sont des agents sataniques. Voilà. Des questions? Oui. Il n'y aurait pas une branche dans le camp de l'ennemi concernant les vampires, les gens qui cherchent? Non, il ne parle pas de branche. Du fait, à partir du moment où on a compris que la Bible... Si tu n'es pas du côté de la Bible, tu es du côté de Satan. On ne veut pas savoir de quel côté tu es. Quand tu es déjà de ce côté-là, si tu peux être franc-maçon, philosophe et autres là-bas, ramifie comme tu peux ramifier, mais tu es quand même du côté de Satan. Mais la seule chose, c'est si tu es croyant en Christ Jésus-Christ, c'est la Bible qui te conditionne. Si tu n'es pas, tu es forcément chez Satan. Oui. Bon, c'est à propos des vidéos. Oui. Voilà, où il y a des images de vampires et autres. Oui. Est-ce que... C'est de... Éphésiens chapitre 4, prenez. Lisons et regardons ce que la Bible dit. Donc le frère, quand il veut se détendre de soi un peu, il voit un peu un film de vampire. De noter Éphésiens chapitre 4, il voit Dracula qui fait. Après, pour aller se pisser, il commence à dire que va m'accompagner dehors. Vous voyez quels sont les buts de ces choses-là, n'est-ce pas? Ça, c'est pour vous entraîner et entraîner les gens qui sont sur la terre. Lorsque les Dracula vont se manifester sur la terre, que les gens croient que c'est le jeu. C'est pour ça qu'ils ont inventé un fête qu'on appelle Halloween. Halloween, et les catholiques appellent ça la fête des Toussaints. En fait, ce sont les tout impurs. C'est pas les Toussaints. Et puis, durant ces fêtes, les gens se masquent avec la culture des morts. Ils sortent, ils se font. Et pourtant, dans ces fêtes-là, c'est les vampires sortent pour faire effectivement cela. Donc, Ephésiens chapitre 4. Lis-nous à partir du verset 17 jusqu'au verset 23. Allons-y. Je vais lire ça à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Oui. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Oui. À cause de l'ignorance qui est en eux. Alors je pose la question, ces films-là, qui les tourne? Les païens ou bien les chrétiens? C'est les païens. Donc l'intelligence comment? Obscurcie. Donc ça veut dire que si c'est l'obscurité, qui règne sur l'intelligence? Le diable. Qui inspire donc ces films? Le diable. Donc tu viens t'asseoir pour te regarder ce que le diable a inspiré. En fait. Pour te nourrir. Oui, mon cher. Parce que je discutais avec un frère. Bon, il disait pareil, peut-être c'est en regardant que tu es inspiré, quoi. Pour... Non, ça veut dire que ça. Et qui t'inspire donc? mais souvenez-vous de ceci. Souvenez-vous, les films que vous voyez sont des séances d'initiation. Les tintins sont des séances d'initiation. Donc, c'est pour initier. Donc, tu deviens satanique sans t'en rendre compte. Subitement, tu commences à rêver comment tu voles. Tu commences à rêver comment tu fais des choses, comment on te poursuit. Mais tu es dans le jeu, dans le jeu de Satan. Maintenant, qu'est-ce que la Bible déclare? Philippiens, ouvrez maintenant Philippiens. Philippiens, chapitre 4. Tu peux nous lire le verset 8, frère. Tu vois, tu peux lire à haute voix. Philippiens 4, le verset 8. Oui. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Prenez votre film, comme vous dites, et puis examinez avec, à la lumière de ces versets. Vous posez la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est honorable? Est-ce que c'est mérite de louange? Est-ce que c'est pur? Si c'est non, vous mettez ça de côté. On dit que ça soit l'objet de vos pensées, ça doit conditionner votre pensée. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, ici. Voilà, par rapport à ça aussi. Il y a parfois certains, pour mieux illustrer, pour mieux donner un enseignement plus clair, oui. Ils font les vidéos. Des représentations. Parfois, on voit un Jésus avec son sceptre, avec sa couronne. Non, regarde bien. Côté. Tout cela, c'est Babylone. Jésus, dans sa parole, ou mieux encore, depuis la Bible, quand Dieu a fait sortir le peuple juif, il dit quand vous serez entrés, il faut faire entendre cette parole à tes enfants et aux enfants de tes enfants pour qu'on le garde. Le but de la parole, ce n'est pas que ça reste dans les pensées, ça reste dans le cœur. Les images n'imprègnent pas, les images vidéo que vous voyez n'imprègnent pas dans les yeux, mais dans les pensées. D'accord? La parole veut habiter. Je crois que c'est Yahweh devant lui que garde ça dans le fond de ton cœur. D'accord? C'est pour ça que Dieu a interdit les représentations. Sinon, vous allez rester sur le plan de la forme imagée. Dieu veut la vertu de la parole. Tu as compris, frère? C'est pour ça que les films de Jésus-Christ de Nazareth sont anti-Jésus-Christ. Voilà. Des questions? Oui, prends. Si vous pouvez nous faire la différence entre onction satanique et onction. Il y a maintenant les enseignements. Je sais pas, c'est ça, au moins, c'est 4 heures de temps d'enseignement. Parce que pour qu'il te fasse l'enseignement, la différence entre cela, il veut qu'on commence par le Saint-Esprit. On parle des différentes manifestations des songes. Donc, il y a un enseignement là-bas, les songes sataniques. Et comment avoir les révélations vraies. Vous allez avoir ça. Il y a au moins 1000 enseignements là-bas que je vais vous donner. Donc, vous allez seulement regarder les titres et vous en sortir. Des questions? Oui. Est-ce qu'un chrétien vivant dans les dénominations, est-ce que tu peux être enlevé le vivant? Tu vis quoi dans la dénomination? Comment est-ce que tu vas vivre? Tu vis là-bas? C'est là que tu dors, frère? Dans les dénominations. Comment? Si tu es dans les dénominations. Je te pose la question, si un chrétien qui vit dans chez les francs-maçons, est-ce que si l'enlèvement vient, il va être enlevé? Non. Comment? Non. Chez les francs-maçons. Et maintenant, si cette dénomination aussi est inspirée par les francs-maçons, est-ce qu'il va être enlevé? Non. Est-ce que le chrétien doit vivre dans les dénominations alors? Non. Voilà. Dernière question? Si, oui. Moi, je voudrais savoir si le chrétien doit célébrer le mariage civil. Le mariage civil. Oui, mais attends. Là, maintenant, ça dépend de toi. Si tu ne veux pas célébrer le mariage civil, il n'y a pas de problème. Le jour où il y aura le problème, tu vas savoir qu'il faudrait l'acte de mariage. D'accord? Il n'est pas recommandé les Saintes Écritures nulle part de le faire. Mais si tu le fais, tu ne pêches pas. Parce que Jésus, à un moment donné, il voulait payer les impôts. Il a dit que qui paye les impôts? On a dit que ce sont les étrangers. Il dit aucun maison considère que je suis étranger. Donc, allez, va prêcher le poisson, tu le payes. Il n'a pas le droit de payer, mais il a payé. Il a dit on rendait à César ce qui est à César. L'autorité civile veut qu'on ait vous appelez les diplômes de mariage là. Il faut le faire. Par exemple, si tu vois à l'étranger et tu veux faire venir ta femme, il va falloir que tu aies un document pour certifier que c'est ta femme. Ça, ce n'est pas le péché. D'accord? Mais ce n'est pas l'acte de mariage qui certifie que vous êtes marié devant Dieu. Commencez. D'accord? Voilà. Et donc maintenant, si quelqu'un n'a pas l'acte de mariage, ça ne veut pas dire qu'il est marié. Vous pouvez avoir deux personnes. Une des personnes qui a l'acte de mariage, l'autre qui n'a pas l'acte de mariage. La personne qui a l'acte de mariage devant Dieu n'est même pas mariée. Alors que celui qui n'a pas l'acte de mariage est marié. Parce que si j'ai posé cette question, oui. Nous ici au Sénégal, le jour du mariage civil, oui. On demande au monsieur de donner 3000 francs à la femme comme dot. Qui ça? À la mère. Bon, si je donne 3000 francs, ça fait quoi? Non, parce que tout à l'heure, je vous ai entendu parler de la dot. Oui, mais attends, si tu veux aller te marier de façon civile, fais ce que ça dit. Si tu donnes ça, ça ne te fait absolument rien. D'accord? Mais le principe de la dot n'est pas biblique. Le principe. De la dot n'est pas biblique parce que la dot a été donnée pour compensation pour la femme violée, la fille vierge violée. C'est à ça à quoi réfère la dot. D'accord? Voilà. S'ils appellent ça dot, des questions? Donc ça veut dire que ta femme coûte 3000. Et les filles là, attendez. Si on vous donne, on vous donne 3 000, ne prenez pas. Hein. C'est 3 000 francs qu'on donne. Hein. Le minimum, c'est 3 000. Ah, donc ça veut dire que tu donnes 3 000 pour ta femme. Toi-même, tu peux donner 3 000 pour ta femme. À la mère. Bon, ok, maintenant. Avant de faire. Ok. De donner 3 000 à la femme. Et la femme va faire quoi avec? Bon, je sais pas. Ok. Bon, ok. Ça veut dire que si tu vas te marier, toi, tu as donné combien? Moi. Oui. Tu as donné plus de 3 000. Il y a ta fiancée ici au milieu. Pardon? Il y a ta fiancée ici. Non. Ok. Donc le jour où tu vas te marier, tu vas donner combien? 30 000 ou bien 100 000? Bon, ça dépend. Ne donne pas comme ça pour de pas dire, dis que donne-moi mon argent. Ça dépendrait de ce que j'aurai le jour. Ok. Donc, mais quand tu donnes, est-ce que la dot est donnée à la personne elle-même? Si c'est la dot, c'est donc ça, c'est pas une dot. D'accord? C'est juste des jeux de culture que vous qu'on a mis seulement pour ambiancer. Mm-hmm. C'est pas la dot ça. Parce que d'après la Bible, ce que nous disons dans la Bible, c'est la dot, c'était la compensation au père de la fille lorsque la fille avait été violée. D'accord? Voilà. Oui. Hier, il y avait une soeur qui était venue. Elle m'a écrit hier nuit un message parce qu'elle ne pourra pas venir. Non, elle m'a demandé de vous demander que vous parliez de la Sainte Seine. Non, il y a des enseignements pour cela. Il y a au moins 4 enseignements sur ça. C'est ce que nous parlions tout à l'heure. La sœur fait le chrétien. Là, comment ça doit se passer? La Sainte Seine tue. Et ainsi de suite. Mais ça tue. Ça ne guérit pas, ça tue. D'accord? Ouais. Vous faites la sincère, vous faites pas mal, vous faites mal. Ça vous crée des problèmes. Mm-hmm. D'accord? Les handicaps, les maladies, ça donne les maladies, mais ça ne guérit pas. Voilà. Donc dis-lui qu'il y a des enseignements pour ça. Tu vas donc lui donner, d'accord? Oui, mon frère. Maintenant, le jour du mariage, oui. Est-ce qu'on peut inviter un frère pour partager c'est la parole? C'est ce qui est dit ici. Puisque moi-même, on m'invite souvent dans les mariages de prêcher. Okay. Vous savez, quand on m'invite dans les mariages, les gens ont déjà cette idée-là. Et je fais tout pour casser cette idée. Quand les prêches dans les mariages, les gens, ils s'attendent à ce que je finisse. Ils disent, mettez l'oreiller ici. Apportez vos bagues. Je sanctifie vos bagues. Je ne fais pas des choses comme ça. Là. Quand je prêche, à un moment donné, ils me voient en train de partir seulement en parlant. Comme je suis en train de partir, ils m'en veulent seulement m'asseoir. Quand il finit, il m'assoit là-bas, chacun regarde comme ça, qu'est-ce que c'est fini, c'est fini. Oui, c'est fini. Maintenant, pour les mariés, oui. On prie pour eux ou bien. Bah, pourquoi tu veux toujours ça, frère? Pourquoi tu pries pour eux que quoi? Pour leur bénédiction. C'est toi qui vas bénir le mariage? Non, mais les frères peuvent. Le jour où Dieu a institué le mariage, il a déjà béni ceux qui entreront dans le mariage. Regardez, dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3, la Bible déclare, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Où est-ce là? Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Quand tu n'étais pas encore en Christ, tu étais quand même déjà béni en lui. Quand tu entres en Christ, tu viens pour prendre la bénédiction. Tu entres dans la bénédiction. C'est ainsi aussi du mariage. La Bible déclare que Dieu a béni le mariage. Il a béni le mariage. C'est pour ça que le mariage engage Dieu et les deux personnes qui sont mariées. D'accord? C'est parce que tu vas dire que non, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, qu'il va faire qu'il soit béni. La personne est automatiquement bénie du fait qu'il est entré dans le projet de Dieu. Du fait qu'il est entré dans le projet de Dieu, il est béni. De la même façon, du fait que tu sois chrétien, il n'y a plus de malédiction pour toi. Voilà. C'est pas parce que tu vas être chrétien, tu vas dire que non, sois béni, que tu sois béni. C'est automatiquement un décret irrévocable. Voilà. D'accord, mon frère? Mm-hmm. Donc, si vous annulez le jour, là, prie comme tu peux prier. Des questions? Si c'est pas de questions, vous laissez 5 minutes et puis on avance. Dès qu'on vient, il ne prend plus de questions, j'entre là-dedans, ici. Pour au moins une fois, il va falloir que je vous montre ma Bible devant vous, pas vrai? Ouais. Depuis au moins 2 jours, je ne viens pas toucher à cette Bible-ci. Donc cette fois-ci, vous ouvrez, on va lire ensemble. Amen. Alors, tout à l'heure, 5 minutes.